Voici une entrevue que j'ai faite avec Charles Sabourin le 24 janvier de l'année 2012. Charles Sabourin qui réalise sur YouTube des vidéos pour parler de différents sujets en lien avec la conscience. Donc, bien que l'entrevue date de 2012, j'ai été voir récemment sur YouTube et je vois qu'il est toujours actif là, par rapport à de la diffusion web. Donc, vous allez avoir ses coordonnées là, en bas de l'enregistrement présent là, par rapport à sa chaîne YouTube et également par rapport à son site Internet. C'est quelqu'un qui fait des conférences sur le web. Donc, vous en avez pour plusieurs heures là, si vous allez sur sa chaîne YouTube. Là, il y en a une grande quantité. Il est très prolifique. Et puis, en même temps, ben, c'est aussi un écrivain qui a sorti un livre, qui l'a publié. Donc, c'est une entrevue que j'ai faite il y a plusieurs années. Alors que j'avais une émission qui s'appelait « Le monde de Déo », donc en 2012. Et à l'époque, je recevais régulièrement différents invités. Et comme récemment, j'ai revisité ma banque d'archives parce que j'ai plusieurs centaines d'enregistrements que j'ai fait au fil du temps. Et j'ai réécouté cet entretien avec Charles Sabourin. Et en dépit des années qui ont passé, depuis l'an 2012, je peux dire que c'est un enregistrement encore d'actualité parce que des sujets, des thèmes fondamentaux y ont été abordés en lien avec la conscience, comme la notion de programmation et également là, de conscience systémique. Donc, vous allez avoir les coordonnées en bas de l'enregistrement présent par rapport au site web et également la chaîne de diffusion YouTube de Charles Sabourin. Donc, pour les gens qui veulent en connaître un peu plus par rapport à lui. Et je vous dis, bonne écoute. Bonsoir, Charles. Oui. OK, donc, c'est ça, c'est un honneur et un plaisir de vous recevoir à mon émission de radio. Et dans le fond, pour débuter, je pense que vous, depuis fort longtemps, vous intéressez au domaine du supramental. Mm-hmm. Et d'entrée de jeu, je serais curieux de savoir qu'est-ce qui vous, vous a amené à vous intéresser là, à la conscience supramentale. Bien, j'ai toujours été intéressé par ce que représente cette conscience-là. Sans la connaître, évidemment, avant de connaître Bernard. Et quand j'ai vu Bernard parler à une émission de Richard Glenn, je ne me rappelle plus quelle année, là, 80-81, j'ai dit à ma compagne, j'ai dit, c'est de ça que je te parle. C'est bizarre. Mais purement au niveau de la vibration de comment il parlait, de quoi il parlait, je lui ai dit spontanément comme ça, c'est de ça que je te parle, que j'essaie de t'expliquer. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez peut-être vous reculer un petit peu du micro parce que ça distorsionne? OK. C'est mieux comme ça? Oui, la voix est plus placée. OK. Alors, où j'étais, là? Vous aviez vu Bernard là, à la télévision au début des années 80, c'est ce que vous me parliez. Oui, c'est ça. Et puis, je lui disais, justement, je lui ai dit, c'est de ça que je te parle, c'est ça que j'essaie de t'expliquer. Justement, cette personne-là m'avait amené, c'est comique parce que, m'avait amené voir André Moreau, justement, une couple de fois, j'avais été dans ses conférences avec elle. Mm-hmm. Et puis, j'essayais de lui expliquer la différence, etc. Mais j'avais pas le vocabulaire dans ce temps-là. C'est par la suite, en faisant mon séminaire avec Bernard, et puis à la suite de beaucoup d'années, si vous voulez, j'ai développé un vocabulaire. Et j'étais curieux de savoir un peu qu'est-ce qui vous a amené fondamentalement à vous intéresser. Bon, vous avez vu Bernard à TV, mais à l'origine, quel a été, est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur, un deuil, la perte d'un être cher ou un traumatisme qui a été à la base de votre démarche? Non, j'ai toujours été, depuis ma tendre enfance, que j'avais une certaine optique de la vie, mais que je ne pouvais pas définir. Je le sentais intuitivement, mais je ne pouvais pas le définir. C'est pour ça que quand j'ai vu Bernard parler pour la première fois, c'est exactement ce que je voulais définir, justement. Alors, ça a cliqué tout de suite. Pas dans la forme, c'est évident, parce que Bernard, dans ce temps-là, parlait d'une façon très ésotérique, puisqu'il passait des émissions, justement, très ésotériques. Et puis, j'avais de la misère un peu avec ça au début. Mais par la suite, disons que je décortiquais, je décodais tout ça. Alors, à mon séminaire, justement, je lui ai dit, il est venu s'asseoir à ma table, on a parlé. Et puis, je lui ai dit, pour moi, c'est que de l'énergie. Pendant le séminaire, il décrivait toutes sortes de choses à travers des formes, les entités, etc. Il a parlé avec des individus qui discutaient justement, qui étaient aux prises avec des entités, etc. Mais il y a quelque chose qui ne marchait pas là-dedans pour moi. Alors, par la suite, ben, Bernard a confirmé ces choses-là, justement. Confirmé mon intuition du temps. Parce qu'au début, même dans le séminaire, c'était purement intuitif. Je ne pouvais pas définir, autrement dit, qu'est-ce que c'était. Mais je savais que c'était pas ça. Il y avait quelque chose de pas kosher. Oui, bien, c'est sûr qu'il y a des notions qui sont moins évidentes à saisir, dans le sens que les entités, à part de percevoir des énergies, on les perçoit pas directement. Ben, je comprenais tout le phénomène des entités, mais j'avais bien la misère avec ça. Vous n'êtes pas le seul. Oui, je sais que... Ouais. Mais il s'agit, en fin de compte, de le définir. Qu'est-ce que c'est une entité? Je ne sais pas si je vais trop vite, là. On peut continuer sur d'autres choses, si tu veux, mais on peut en reparler par la suite, comme tu veux. Oui, ben on peut, en fait, bon, OK, on va y aller avec ça. Comment que vous concevez la notion d'entité? Ben, des entités, c'est quoi, en fait? C'est une personnalisation. C'est une vision à partir d'une conscience personnelle, d'une conscience involutive, justement, d'une conscience psychologique. Alors, c'est évident que de tout temps, d'ailleurs, même chez les gens très primitifs, il y avait toujours cet aspect personnel, personnalité. Alors, si vous avez des contacts avec quelque chose dans votre mental, bien là, ces individus-là, ils personnalisaient. Puis ça persiste même aujourd'hui. C'est un voile. Voyez-vous? C'est une entétisation, mais à travers le fait que l'individu personnalise, à travers le fait surtout que l'individu regarde tout ça à partir de sa conscience involutive ou astrale. C'est ça le problème. Et quand l'individu commence à sortir de la boîte, quand l'individu commence à réaliser certaines choses, c'est pas lui qui pense, etc., ben, il en arrive à définir finalement, un peu comme Bernard a fait d'ailleurs, à définir au fil des années, au fil du temps, au fil de son expérience, à définir qu'est-ce que c'est tout ça. Sans ça, on se fait englober par ces choses-là. Puis j'en connais beaucoup qui sont englobés par ça. Exactement. De son côté, André Moreau, bon, que vous aviez été voir également, lui, ce qu'il parlait, c'était du danger d'accorder de l'importance aux abstractions choséifiées, c'est-à-dire à des concepts problématiques parce que non observables directement, comme par exemple la notion d'inconscient. Lui-même, le concept d'âme, c'est une notion qu'il rejette parce que pour lui, il ne peut pas l'apercevoir directement, donc c'est quelque chose d'abstrait, puis on en fait une chose. Donc, comme oui, si... je suis d'accord, mais Moreau, il est très cartésien dans son approche. On peut être scientifique sans être cartésien à ce point-là. Vous voyez? Il cherche une cause, Mais il y a des choses, il y a des causes qu'on ne peut pas voir. Jung appelait ça des phénomènes acausales. Mais c'est pas si acausal que ça. Quand on est en mesure de le voir, de le percevoir ou de l'observer, c'est causal. Ce que j'appelle, moi, ce que vous appelez l'âme, etc., ce que j'appelle la cinquième dimension, c'est réel. C'est une dimension de l'espace-temps. C'est lié, d'ailleurs. C'est la cinquième dimension. Alors, tout s'enregistre dans cette dimension-là. Alors, c'est très facile pour un individu qui ne connaît pas, qui n'a pas un accès direct à cette dimension-là, de personnaliser, justement, de dialoguer avec quelque chose, quelqu'un, etc., des personnes défuntes, etc. C'est des mémoires. Mais c'est plus que des mémoires, c'est des programmes. Alors, l'individu peut créer des formes très, très fortes, très grandes. C'est ça les forces. Les forces qui sont contre l'homme sont des forces qui proviennent de l'ignorance de l'homme. C'est lui-même qui prête sa force à ces phénomènes-là. Pouvez-vous peut-être baisser un petit peu le micro parce que ça distorsionne? OK. Le baisser, comment ça? Je vais le déplacer. Parce que peut-être vous êtes trop proche du micro. Ça va comme ça? Oui, là, ça devient plus clair. OK. C'est pas que je parle fort. Où j'étais, là? Oui, bien, je sens que votre énergie monte, là. C'est normal, on est en communication. Bon, ouais. Avec le public. Mais la distinction que vous faites entre le concept d'entité et de programmation pour vous, est-ce que c'est tout à fait la même chose ou c'est... C'est de la même source. L'âme, la mémoire d'âme, ça fait partie de la cinquième dimension ou un champ. Il y a des scientifiques aujourd'hui qui appellent ça surtout des biologistes. Parce que la biologie prend une tangente maintenant assez particulière, qui appelle ça des champs morphiques. Puis ils ont parfaitement raison, dans le sens que c'est des champs d'énergie, mais c'est la source de toute la ce qui se passe en matière. Tout ce qui se passe en matière est enregistré dans cette dimension-là. Et cette dimension-là influence ce qui se passe dans la matière. Alors, c'est à ça que l'homme est assujetti. Et quand l'homme prend conscience ou est en mesure d'observer, de développer un sens multidimensionnel, à ce moment-là, ben, il a accès direct de façon scientifique. Il est capable de voir les causes, peut-être pas au début, là. Parce que c'est purement vibratoire. Mais il en arrive, quand il développe ce nouveau sens-là, à voir dans ce que le monde appelle l'invisible. L'invisible, c'est invisible parce que l'homme ne peut pas voir, parce qu'il est voilé. Il est voilé par quoi? Il est voilé par son ignorance. C'est lui, dans le fond, c'est l'ego qui a le pouvoir, ou l'esprit, dans l'ego qui a le pouvoir de vie, mais son pouvoir de vie, il le prête, il le donne par ignorance. C'est ça son problème. Et puis derrière cette... oui. Pardon? Oui, mais je voulais savoir par rapport à ce que vous parlez de la cinquième dimension, pour que les gens puissent bien nous suivre, quelle est votre conception des autres dimensions, première, deuxième, troisième, quatrième, pour aboutir à la cinquième que vous parlez? Il y a trois dimensions de l'espace. Hein? Mm-hmm. Si on prend par exemple, puis il y a la dimension du temps, mais ils sont inséparables, l'espace-temps. C'est inséparable. Mais la cinquième dimension est inséparable aussi des quatre premières. Le temps, c'est pas facile à définir, mais c'est facilement prouvable dans un sens parce qu'on est capable. Relativement capable de l'observer. Un individu primitif a des problèmes avec d'observation du temps. Ils ne regardent pas le temps comme nous, on regarde le temps. Ils sont moins évolués. Oui, bien surtout la que... La notion du temps est très différente de la notion du temps d'un être qui moderne, si vous voulez. Plus évolué. Oui, ben le temps varie aussi en fonction des cultures, dans le sens que nous autres, on a un calendrier qui débute avec la naissance de Jésus, puis tandis qu'il y en a d'autres peuples qui ont d'autres calendriers, comme les Chinois, eux autres sont dans l'année du dragon, ensuite, il y a les Juifs qui ont leur propre calendrier. À ce niveau-là, c'est pas tellement à ce niveau-là que je parle, c'est au niveau de la notion du temps, dans le sens que les primitifs, dans le fond, ils sont près de la notion du temps universel. Ils n'ont pas de notion personnelle tellement. Ils ont une notion moins personnelle du temps que l'homme moderne. L'homme moderne, c'est justement un problème, c'est qu'il y a une notion trop personnelle du temps et non suffisamment impersonnelle du temps ou transpersonnelle du temps. C'est là son problème. Il pense à court terme seulement. Il est porté à regarder les choses à court terme. Il est programmé de cette façon-là. Et derrière cette programmation-là, c'est quel est le programmeur ou les programmeurs qui se cachent derrière ça? C'est pas les programmeurs, ça fait partie du système. Sans la cinquième dimension et la création de programmes, la matière n'existerait pas. Elle ne pourrait pas évoluer. Une fleur, par exemple, elle pousse. Il y a un programme derrière ça. Mais c'est qui met en place ou c'est quoi qui met en place les programmes? Ça fait partie du système. OK, mais c'est géré par quoi le système? Dans quel sens? Dans le sens que s'il y a un système qui met en place des programmes, il doit avoir une intelligence ou un quelque chose derrière ça. Tu sais, Bernard parlait d'entité ou de... Mais c'est ça l'intelligence. Il ne faut pas rechercher un dieu derrière ça. Là, on tombe dans autre chose. Là. On tombe dans un créateur. Mais là, il n'y en a pas de créateur comme tel. C'est un système. Une conscience systémique. C'est à ça que l'homme doit en arriver. Il doit en arriver à une conscience systémique. Mais il doit la décrire. Il doit être en mesure de l'observer, ce système-là. C'est son propre système, finalement. L'homme est en étude de son propre système. On appelle ça une méthode cybernétique. Il étudie son système. C'est le système qui s'étudie. L'homme, finalement, c'est la conscience du système qui ne se connaît pas. En d'autres mots, Dieu ne se connaît pas. Ça prend l'homme ou la conscience humaine pour que Dieu se connaisse. Exemple. C'est la même chose au niveau du système. Okay. Ça prend... On est l'apogée. Ou proche. Excusez-moi, je vais reformuler l'appel parce que ça coupe à certains moments. Je ne sais pas si vous le percevez de votre côté. Non. Je vous rappelle c'est à bon. La... Comment? Ah, peut-être c'est de ton côté. En tout cas, moi, ça distorsionne un peu. Je vais refaire l'appel. Des fois, c'est juste ça sur Skype, puis ça fonctionne. Je vais baisser mon son. OK, fait que je refais l'appel. Sinon, les gens, soyez patients. Je vais refaire l'appel. Pour ce qui est des questions, c'est ça, ce soir, je vais prendre seulement les questions qui sont pertinentes par rapport au sujet abordé. Donc, avec le temps, je suis plus sélectif au niveau des questions. Fait que vous êtes toujours là? Oui. Je me déplace. OK. En fait, pour bien comprendre ce que vous dites, si je comprends bien, c'est qu'en réalité, la réalité serait construite sur des programmes qui proviendraient d'un système, puis que quand l'être humain deviendrait conscient, à ce moment-là, il permettrait à Dieu ou l'intelligence qui sous-entendrait les systèmes à exister. À se connaître. À se connaître. À se savoir. À travers lui. À travers l'homme. OK, ouais, c'est ça. L'homme, c'est la conscience. Il est en potentiel la conscience éventuelle du système. Quand un être prend conscience de la mécanique du système, développe un sens multidimensionnel, le système commence à prendre conscience de lui-même. Alors, c'est comme un robot, par exemple, qui commence à se percevoir lui-même. En fait, l'homme, c'est pas loin de ça, là. On est construit biologiquement, mais on est programmé comme des ordinateurs. C'est ça le problème de l'homme actuel. Il ne peut pas sortir du pattern dans lequel il est parce que justement, il est programmé. Puis il ne le sait pas. C'est ça, il dort. Ouais, ben. Alors, tant qu'il va se conter des histoires sur ses perceptions intuitives, spirituelle de tout ça, ben là, à ce moment-là, ça avancera pas. Ça évoluera pas. C'est quand l'homme ou l'individu commence à voir à travers ça, commence à observer scientifiquement, parce que c'est scientifique, là. Il commence à observer scientifiquement ce qui se passe, que là, il commence à régler ses problèmes de vie, premièrement, d'arrêter de continuellement vivre des émotions, des amplifications, qui gère sa vie, finalement. L'homme, il ne gère pas sa vie. Il a un plan de vie dans une certaine programmation ou dans une programmation, et il suit ça. Il n'y a pas de choix là-dedans, il suit. Quand Bernard disait que c'est pas l'homme qui pense, autrement dit, c'est pas nous autres qui pensons, la pensée vient d'ailleurs. Bon, ben, la pensée, elle provient justement de cette programmation-là. Elle est soufflée par elle. À vous remarquer une chose, c'est que vous avez quand vous avez des mauvaises habitudes, c'est difficile les mettre de côté ou les changer. Mm-hmm. Très difficile. Et plus ils sont fortes, plus c'est difficile. C'est ça le problème. Alors, tant que l'ego n'a pas conscience qu'il est programmé, premièrement, qu'il est totalement et continuellement désinformé, finalement. Parce que, tu sais, regardez ça dans le sens que c'est pas nous qui pensons, ça va, là. Mais il faut aller plus loin que ça. Dans le sens qu'on est continuellement désinformé par cette programmation-là. Même quand on commence à allumer, qu'on commence à s'éveiller, il y a encore de la programmation, donc il y a encore de la désinformation possible. Alors, plus un être est éveillé, plus il est vigilant en fonction de cette désinformation-là. Mais je pense que quand même, parce que la programmation, de mon point de vue, c'est pas nécessairement automatiquement de la désinformation, dans le sens que, par exemple, notre cœur est programmé pour battre, fait que c'est une programmation qui est utile. Oui, on ne parle pas de la même chose. Ce que je veux dire, moi, là, c'est la programmation en fonction de la pensée. Donc, tu ne penses pas à ton cœur quand il bat. Ça se fait automatiquement, justement. Mm-hmm. Mais la pensée soufflée par la programmation, on la voit pas. Les gens ne la voient pas plus. Ils sont capables de déterminer la source. Ils se laissent influencer. Ils pensent que c'est leur pensée. Ils pensent que c'est eux. Alors, à ce moment, ils croient ça. Puis, ils ont toutes les bonnes raisons de croire. C'est ça, le problème. C'est une question de une personne peut être très intelligente intellectuellement puis se faire avoir très facilement. D'ailleurs, c'est ceux-là qui se font avoir le plus facilement, dans le fond. Ouais, bien, surtout s'ils ont un gros orgueil puis ils pensent qu'ils sont en puissance parce qu'ils sont intellectuellement en puissance, alors que peut-être... vibratoirement, ils ne sont pas, tu sais. C'est ça. Fait qu'ils ont développé une capacité intellectuelle, une capacité de penser et ils dépendent que là-dessus. Alors, s'ils dépendent là-dessus seulement, ils manquent des morceaux du puzzle. C'est ça le problème de l'intellect. Ouais. C'est ça, de ça que Bernard parlait, justement. Mais pour en revenir à... Dans le fond, la désinformation qui viendrait de la programmation, je serais curieux de savoir, c'est que derrière ça, cette désinformation-là à travers la pensée, quelle serait, parce que, bon, Bernard parlait d'entités qui manipulent l'être humain, mais c'est un petit peu abstrait de parler de programmation parce que quand j'entends le mot programmation, je pense à Bernard logiciel. Oui. Mais Bernard, il parlait d'entité. Il a parlé d'entité pendant un certain temps, mais il a tout défait. Il a tout détruit, ces formes-là. Il a même détruit la forme de l'esprit. Écoutez les cassettes, vous allez voir. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il a détruit la forme du double. Il crée des formes où il y a ces formes-là, éventuellement, vous allez les mettre de côté, vous allez voir à travers. Alors, tant que les hommes vont être prisonniers de ces formes-là, ben, ils ne pourront pas voir, c'est évident. Parce, pourquoi? Parce que le terme esprit, tous ces termes-là, il y a une mémoire derrière qui influence justement l'ego. Alors, quand vous parlez d'astral, mais c'est quoi l'astral? Il faut le définir. Voyez-vous? Puis il y a toutes sortes de définitions de l'astral. Alors, ouais. C'est rare que j'utilise ce terme-là parce que c'est trop vague. Je vais utiliser le terme conscience involutive en place. C'est un peu plus précis. Programmation, etc. Alors, c'est l'inconscience. Qu'est-ce que c'est l'astral, ce que vous appelez l'astral? C'est l'ego qui est totalement inconscient de ce qui se passe ou plus ou moins conscient de ce qui se passe au niveau justement de la programmation. On a été programmé, on s'est programmé de façon totalement inconsciente. C'est ça le problème. Alors, l'enfant là, qui reçoit l'information ou les réactions de ses parents, il réagit. Si sa mère ou son père lui parle fort, il se sent rejeté, ça crée un programme d'abandon, de rejet. Tout le monde, à peu près tout le monde, ce genre de programme-là. Alors, quand c'est très fort, bien là, ça se développe. L'enfant, là-dedans, il n'est pas conscient de ça. Mm-hmm. Ça se fait. Ça fait partie du système. Alors, quand l'ego en arrive à voir à travers ça, ou à observer, ou à investiguer ça, bien, à ce moment-là, il commence à avoir son mot à dire dans ça. Comment? Donc, autrement dit, ça revient à l'ego qui prend conscience de mémoire inconsciente qui l'assujettissait à son insu. Oui, mais c'est pas seulement prendre conscience de la mémoire, c'est tout le système. Ce que j'appelle la conscience ou l'observation, si vous voulez, multidimensionnelle, c'est conscience de tout ce qui se passe au moment où ça se passe. Pas évident, ça. Oui. Vous voyez ce que c'est pas évident. Ça paraît peut-être évident, mais c'est pas évident. Vous allez voir, quand vous vivez une émotion, c'est pas évident hein, de s'en sortir facilement. Non. Mais une personne qui a conscience de ce qui se passe, qui est en mesure d'observer ce qui se passe, automatiquement, il n'active pas le programme. C'est automatique. C'est un peu comme quand vous dansez puis vous regardez vos pieds. C'est automatique, ça coupe. C'est plus difficile de danser. Danser, c'est vibratoire. Vous n'y pensez pas. Vous êtes programmé pour danser. Ça s'est programmé. Vous avez dansé, vous avez tapé du pied sur certains rythmes, etc. Puis vous avez appris finalement à danser. Vous êtes laissé aller. Hein? Donc, c'est vibratoire, se laisser aller, justement. Alors, si vous regardez vos pieds, pendant que vous vous laissez aller, vous ne pouvez plus bénéficier de l'automatisme. Oui, de la programmation. Exactement. C'est très fragile. Parce que, tu sais, comme une programmation, comme quelqu'un qui a appris une danse, c'est une programmation qui est intéressante, mais il y en a d'autres qui sont moins intéressantes parce qu'il faut parce qu'elle nous fait souffrir, comme le jeune enfant qui se fait rejeter. C'est pas seulement qu'à ce niveau-là, c'est que qu'elle soit bénéfique ou pas, elle a été créée de façon inconsciente. C'est ça l'inconscience. C'est ça le fait que l'homme n'est pas éveillé. Mais il y a des programmations qui peuvent se faire consciemment, comme quelqu'un qui apprend un cours pour conduire une voiture. il se programme à conduire la voiture consciemment avec l'instructeur. Oui, mais il est conscient de certaines choses, mais il n'est pas conscient des mécanismes, nécessairement. C'est ça l'affaire, là. Moi, je parle de conscience des mécanismes, conscience de ce qui se passe. C'est très, très différent, là. C'est évident que quelqu'un, un athlète, par exemple, il pratique. Qu'est-ce qu'il fait quand il pratique? Il crée un programme, mais lui, il ne sait pas, il ne connaît pas nécessairement la mécanique de tout ça. Il n'est pas nécessairement conscient de tout ça. Ça se fait automatiquement, anyways. Ouais, mais là, il devient meilleur. Mm-hmm. Mais là, il peut être assujetti à des drôles de pensées, par exemple. Puis ça change son jeu. Il est assujetti à ça. Il n'a pas le contrôle là-dessus. C'est ça le problème. Donc, il n'est pas conscient. Vous voyez ce que je veux dire par conscience? Oui, dans le sens que Il n'y a pas la conscience spectatrice de qu'est-ce qu'il fait parce qu'il fait juste le faire. Ouais. Ouais, mais ça dépasse, oui, la conscience spectatrice, mais tu peux être dans une conscience psychologique puis être en spectateur. Mais c'est pas suffisant, ça. Moi, je parle d'une conscience supérieure. Une conscience supérieure, c'est une conscience multidimensionnelle. Mais ça se développe, ça. C'est un sens. Il faut développer le sens multidimensionnel. Mais je vais vous dire une chose. Mon expérience, c'est que les gens ont beaucoup de résistance à ça. Énormément de résistance. C'est normal. C'est pas une résistance consciente, là. Pourquoi il y a de la résistance? Parce qu'ils sont programmés autrement. Ils sont programmés à penser d'une façon différente. Ils sont programmés à penser dans la boîte au lieu de facilement sortir de la boîte. Fait que faut qu'ils apprennent à sortir de la boîte, involutive, psychologique. À ce moment-là, ils prennent l'habitude encore. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est que les plus futés, les plus intelligents intellectuellement, « Ah, ouais, je comprends ça, bop. » Mais c'est pas suffisant à comprendre. Il faut le vivre. C'est quand on le vit que ça s'enregistre. Quand on le comprend, ça s'enregistre plus ou moins, là. C'est quand on le vit dans l'expérience, et pas seulement qu'une fois, là. Il faut que ça s'accumule, cette expérience-là. Et quand on vit l'expérience en matière, ça s'enregistre automatiquement dans cette dimension-là. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe dans la matière, pas seulement dans la matière grise, justement. Oui, ben c'est ça, mais à quoi ressemblerait à ce moment-là un vécu de cette conscience-là multidimensionnelle? Ben, c'est plus vous développez. Par exemple, moi, j'ai développé ça à travers le fait que j'ai côtoyé Bernard, j'ai rencontré Bernard, j'ai absorbé Bernard. Autrement dit, sa vibration, pas Bernard, là, mais sa vibration. De quoi il parlait. Puis après ça, bien en même temps, et après ça, je l'ai vécu. C'est pas comprendre ça. Ce que Bernard me dit, etc. Oui, je comprenais, mais il fallait que je le vive moi-même. OK. Alors, à ce moment-là, j'ai pris l'expérience. Mais il y a un certain abandon là-dedans. Là. S'il y a trop de résistance psychologique, dans le sens que s'il y a trop de résistance au niveau de la programmation, mais c'est beaucoup plus difficile pour un individu comme ça. S'il y a moins de résistance, bien, autrement dit, si l'ego est suffisamment évolué, même au niveau involutif, là, il y a suffisamment d'expérience, à ce moment-là, ça va être plus facile pour lui d'absorber cette réalité-là. Autrement dit, de vivre l'expérience. Mais c'est une question de se baigner dedans. Il faut plonger dedans. On ne peut pas le regarder sur le bord comme ça, puis philosopher avec ça. Il faut plonger. Il faut la vivre, l'expérience. Est-ce que ça revient à dire qu'il faut mettre le pied dans le vide? Totalement. Pour un, pour un individu qui fonctionne de façon psychologique, qui fonctionne à partir d'une conscience involutive, c'est totalement le vide. C'est évident. Pourquoi il y a une sensation de vide? Parce qu'il est dans le plein évolutif. Il est dans le plein de sa programmation. Alors, c'est difficile pour lui de lâcher ça. Et là, la résistance. Surtout quand il y a bien des notions ésotériques, etc. C'est encore plus difficile. C'est plus difficile pour ces gens-là de se laisser aller, justement. Oui, dans le sens que plus que la personne a accumulé du mémoire de la passée puis du mémoriel, plus qu'elle subit le poids du mémoriel puis est assujettie à ça. Exactement. Exactement. Le problème, c'est l'habitude intellectuelle, l'habitude d'essayer de comprendre. C'est correct comprendre, mais c'est l'habitude d'essayer de comprendre qui fait qu'il y a une résistance, qui crée une résistance. Pourquoi? Parce que quand vous essayez de comprendre, c'est l'équivalent de regarder vos pieds quand vous dansez. Mm-hmm. Autrement dit, vous écoutez quelqu'un comme moi, comme Bernard, comme quelqu'un qui parle à partir de cette vibration-là ou cette réalité-là. Si vous réalisez ce qu'il dit, vous avez une petite idée de ce qu'il dit, vous réalisez ce qu'il dit, laissez-le tranquille, votre réalisation. Essayez pas de comprendre. Vous allez voir que pas longtemps après, dans votre vie courante, vous allez voir quelque chose. Vous allez réaliser quelque chose. C'est ça la partie individuelle. C'est là que vous allez individualiser votre conscience, dans le sens que vous allez individualiser l'expérience, cette expérience-là. Vous l'avez absorbée, ça vient d'un autre, dans le sens que vous avez absorbé la vibration, puis là, après ça, vous la vivez. Mais ça peut prendre 3 mois avant que vous le voyez dans votre vie. Habituellement, au début, les gens le voient chez les autres. Normal, c'est à l'extérieur d'eux. Et ensuite, ils le voient plus tranquillement, pas vite chez eux. C'est pas facile de voir, s'observer à ce niveau-là. Psychologiquement, c'est pas facile. Imaginez, à ce niveau-là, c'est encore moins facile. Mais peut-être pour illustrer tout ça, pourriez amener quelques exemples tirés de votre vécu en lien avec ça, là. Dans quel sens? Parce que tantôt, vous parliez, mettons, de la personne qui danse, la personne qui... Bon, ça, c'est un exemple intéressant sur lequel travailler. Mm-hmm. Parce que, tu sais, la personne qui, dans le fond, fait juste danser dans son moment présent... La minute qu'elle intellectualise ce qu'elle fait, elle se dit « Bon, qu'est-ce que je fais? C'est quoi mes pas? » Elle s'observe. Puis là, à ce moment-là, elle intellectualise, puis elle perd sa fluidité, elle perd... Elle perd la vibration. C'est ça. Elle perd le flot d'énergie. Autrement dit, elle ne peut plus se laisser aller puisqu'elle a intervenu psychologiquement. Elle s'est regardée les pieds. Elle s'est préoccupée. Alors, c'est deux choses totalement différentes. Et le vibratoire, dans le sens, vous l'avez sûrement expérimenté dans votre vie, le vibratoire, c'est justement quand vous faites des choses automatiquement. C'est l'automatisme total. C'est facile. Si vous avez appris quelque chose, danser, ou appris à aller en bicyclette, ou à conduire une auto, vous n'y pensez pas. Au début, oui. Mais par la suite, vous n'y pensez pas. Vous avez vécu l'expérience, ça s'est enregistré en passant vibratoirement. Ce n'est pas un enregistrement psychologique. Et à ce moment-là, ben, c'est facile pour vous, c'est par la suite de conduire. Pourquoi? Parce que vous avez créé inconsciemment un automatisme. À travers quoi? Comment? À travers votre expérience. Si vous aviez des préoccupations, vous aviez des craintes, par exemple, à aller à bicyclette ou aller en auto, etc., bien là, ça va prendre plus de temps à créer cet automatisme-là parce qu'il y a des blocages. Ça va bloquer l'énergie puisque vous pensez, vous intervenez psychologiquement. Aussitôt que vous intervenez psychologiquement, ça empêche l'enregistrement parfait, si vous voulez. Même si vous n'en avez pas conscience de l'enregistrement, ça n'a pas d'importance. C'est un système. On fonctionne de même. Ça fonctionne comme ça. Regardez-les dans vos vies. C'est constant. Vous allez prendre, par exemple, j'ai entendu ça, parler de ça l'autre fois, quelqu'un qui va fredonner quelque chose, une chanson, là, puis qui est une toune qui est intéressante, là, que le monde trouve intéressante, puis qui est accrocheuse, puis là, ça va, vous allez l'entendre tout le temps dans votre tête. Pourquoi? Parce que vous avez, en premier lieu, aimé cette toune-là. Vous avez vibré à cette toune-là. Voyez-vous? Ça s'est enregistré. Oui, mais des fois, c'est des chansons qu'on n'aime pas. Pardon? C'est parce que des fois, il y a des chansons qui nous restent en tête, puis on les aime pas nécessairement. C'est la même chose. OK. C'est la même chose. Vous les aimez pas parce que vous êtes. Il y a quelque chose dans la chanson. Il y a une vibration dans la chanson qui déclenche un programme particulier chez vous. C'est pour ça que vous ne l'aimez pas. Sans ça, vous n'auriez aucune raison de ne pas l'aimer. Et vous l'aimez pour les mêmes raisons. Oui, dans le sens que si on aime une chanson qui éveille en nous un état d'euphorie, c'est parce que ça touche à une fibre émotionnelle qui nous amène, disons, vers le haut, au même titre que si la chanson éveille en nous un état dépressif ou un état de tristesse, parce que ça nous nivelle vers le bas, mais dans les deux cas, on fait une lecture polarisée de la chanson. Exactement. Et plus vous êtes polarisé dans votre mental, plus ça défait, curieusement. Autrement dit, vous allez magnétiser le négatif ou le positif encore plus, puisque votre mental est très polarisé. C'est ça le problème. Ça va avec la polarité, toute cette affaire-là. Fait que la polarité, c'est quoi? La capacité de magnétiser de l'ego, sa capacité de magnétiser de façon négative ou positive. Mais là, il n'en est pas conscient de ça. Imaginez que ça fait dans sa vie, quel plan de vie ça y crée, ça. Voyez-vous? Mm-hmm. Alors, il n'est pas maître de rien, là. Il s'est programmé sans le savoir. Puis là, il est assujetti à ce plan de vie-là. Quand même, il y a des notions ésotériques, whatever. Tant qu'il ne rentre pas là-dedans, tant qu'il n'est pas en mesure de voir réellement ce qui se passe, scientifiquement ce qui se passe, bien de valeur, mais il va être assujetti au plan de vie, à ce plan de vie-là. C'est ça le problème. C'est ça l'astral. C'est ça l'involutif. Et donc, l'individu qui veut se libérer d'une chanson qu'il entend toujours dans sa tête, à laquelle il est accroché, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut qu'il s'éveille. Parce qu'il va toujours avoir des problèmes avec ça. Et pas seulement qu'avec ça. Sa blonde va le laisser, il va y penser pendant 6 mois, puis il va être en dépression pendant 6 mois. Pourquoi? Parce qu'il est inconscient de ce qui se passe. Il ne sait pas ce qui se passe. Il ne sait pas comment ça se fait qu'il y avait tant d'attachement à sa blonde, puis là, quand elle le laisse, il ne sait pas pourquoi il réagit tant que ça. Lui, il pense que c'est pour sa blonde, mais ce n'est pas pour sa blonde tout, en tout cas, en 100% pour sa blonde. Moi, je comprends ce que vous voulez dire dans le sens que... Attaché émotionnellement, il a magnétisé la forme. Oui? Dans le sens que l'individu, il peut être attaché émotivement, inconsciemment à sa blonde qui peut faire écho au souvenir inconscient de sa mère ou Pas dans ce sens-là. Non. Ça, c'est l'approche psychologique de l'inconscient. Là. On ne parle pas de ça. Non, ce qui se passe, c'est que sa blonde, quand elle laisse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rejette. Mm-hmm. Si lui a eu des problèmes de rejet quand il était jeune, si ses parents, justement, agissaient d'une certaine façon, bien là, ça déclenche ce programme-là. Mais là, le programme de rejet qu'il a n'a pas nécessairement à voir avec la réalité de sa blonde qu'il laisse. Le seul lien, c'est un lien vibratoire entre le déclencheur et le déclenché, le programme. Alors, à ce moment-là, s'il y a un gros bagage de rejet trop gros, il va réagir de façon amplifiée à au fait que sa blonde le laisse. C'est ça, une émotion. Une émotion, là, c'est l'inconscience de tout ça plus l'amplification, c'est évident, en rapport avec l'événement. Autrement dit, c'est comme tuer une mouche avec une masse. Ça n'a aucun rapport avec direct, là, vibratoirement ou au niveau du taux énergétique, au niveau du taux de la réaction. Ça n'a aucun rapport. Ça, c'est absurde de réagir comme ça parce que ta blonde te laisse. Oui, exactement. C'est une réaction disproportionnée, au même titre que le gars qui, sa blonde le laisse, puis il va tuer ses deux enfants à coups de couteau. Exactement. En bas âge. Bon, dans le cas de ce monsieur-là, c'est exactement ça. Il y a un gros problème au niveau d'une programmation, lui. C'est évident. Au niveau de l'abandon, du rejet, c'est évident. Alors, c'est très, très, très fort. Puis je parlerai à cet individu-là. Vous parleriez à cet individu-là, puis je poserais des questions, certaines questions, puis il m'en parlerait. On verrait, là, à ce moment-là, la puissance de ces programmes-là. Autrement dit, la puissance des réactions qu'il a eues face à son environnement. C'est peut-être pas ses parents, là, mais habituellement, c'est les parents. Mais face à son environnement, alors ça s'est enregistré très fort. Alors, il se fait laisser par sa femme, whatever, sa femme le fait cocu, whatever. Il réagit émotionnellement, il tue ses deux enfants. C'est de la possession, c'est évident. Mais c'est de la possession en rapport avec des programmes très, très forts. Puis ces gens-là, très souvent, ils vont entendre des voix, etc. Ça va être tellement fort la réaction qu'ils ont qu'ils vont entendre des voix. Entendre des voix, c'est encore là personnalisé. Mais derrière ces voix-là, parce que dans le fond, de ce que je comprends, la lecture que vous faites, c'est que c'est plutôt des programmes que des entités qui seraient derrière ces phénomènes-là. Exactement. Ouais. OK. Oui. Les entités, l'homme crée, il entétise tout ça parce qu'il ne sait pas, il ne connaît pas ça, il ne sait pas. Il n'est pas capable de le voir dans sa réalité. Alors, il l'a toujours fait, d'ailleurs. T'sais? Les hommes primitifs, encore plus. Les dieux, puis tout ça, les différents dieux, ça vient d'où, vous pensez? Ça vient de sa perception de cette dimension-là. C'est magique. C'est des forces très grandes que l'homme ignore totalement. Mais quand il n'ignore plus ces forces-là, il commence à voir dans ces dimensions-là, ben là, c'est pareil comme regarder devant vous, même chose. C'est pas la même chose dans le sens de la matière, mais c'est la même chose. Ça se matérialise dans un sens. Ça devient clair, net et précis. Mais derrière le concept de programmation, c'est que pour moi, la programmation, je vois ça un peu comme quelqu'un qui programme un ordinateur, une dimension inerte. Tandis que quelqu'un qui perçoit quelque chose ou quelqu'un qui vit une forme de contact vibratoire avec une entité hautement évoluée ou un ajusteur de pensée, il y a quelque chose de créatif ou de nouveau qui vient à l'individu, mais qui n'a pas pour origine ce qui vient de son passé ou de ses mémoires. Fait qu'à ce moment-là, comment? Vous pensez? Ben, moi, c'est la perception que j'en ai. Ouais. Je ne dis pas détenir la vérité. La perception générale, la croyance générale, là, c'est ça. Mais tout est enregistré. Alors, tout. Alors, la perception d'une personne face à ce que vous venez de décrire, là, à ce moment-là, c'est une perception intuitive de quelque chose d'autre. Il y a toujours une réalité derrière. Mais ce n'est pas nécessairement ce que le monde pense. Alors, les entités de haut niveau, faut faire bien attention, comme les entités de bas niveau, faut faire bien attention. C'est l'entité, il faut faire attention. Ce n'est pas une histoire de bas ou haut, ou blanc ou noir. Voyez-vous comment les gens sont voilés? C'est une entité de haut niveau. C'est de la magie blanche, l'autre, c'est la magie noire. Non, je comprends qu'on tombe à ce moment-là dans le piège des polarités, là. Exactement. Mais en même temps, il y a des phénomènes qu'on dirait qu'on a discuté à s'expliquer autrement. Il y a Gandalf qui parle, par exemple, le phénomène de la télépathie, percevoir une pensée de quelqu'un à distance. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Ouais, ben, comment qu'une pensée peut se transmettre à distance? Hein? Ça passe par où, ça? Il y a un scientifique anglais qui a fait des expériences avec un chien et sa maîtresse. OK? Mm-hmm. C'est lui qui a popularisé l'idée du champ morphique, etc. Et puis, il a fait des expériences, là, on les voit en vidéo, et le chien, évidemment, est très attaché à sa maîtresse, et dans l'expérience, elle part avec une personne, et pendant 4 heures de temps, et au moment même où il décide de retourner à la maison, c'est ça le but de l'expérience, le chien, il s'en va à la porte. Ou à la fenêtre. C'est pas seulement qu'une fois, là. Voyez-vous? Oui, comme si le chien s'est branché. Il y a une perception de quelque chose quelque part. Ouais. Et ça, c'est une perception vibratoire. On n'a pas fini d'en connaître au niveau de cette dimension-là. Mais il faut la regarder telle qu'elle est. Parce que si on tombe dans l'affaire de la transmission de pensée, puis on n'a pas une base scientifique, ben, à ce moment-là, on peut tomber facilement dans la haute voltige spirituelle, etc., ésotérique. Puis ça mène nulle part. Ça ne donne pas, ça nous permet pas d'explorer, justement. Les gens sont dépendants d'entités de haut niveau pour leur expliquer, voyons, pour leur expliquer qu'est-ce que c'est ça. C'est à nous à nous l'expliquer, à explorer. Mais il faut avoir une prémisse de base, comme une pyramide, d'abord. Et il y a tante Adélaïde qui pose comme question par rapport à l'exemple que vous avez donné du chien qui a une perception par rapport à son maître. Qu'est-ce qui fait que le chien, dans son mental, aura cette capacité de percevoir la vibration? Oui, parce qu'il y a un lien vibratoire entre les deux individus, entre le chien et sa maîtresse. Comment ça se fait, par exemple, les mêmes expériences, là, que des singes, par exemple, dans une île, OK, et des singes dans une autre île, assez séparés, là, 200 km et plus. Un singe va utiliser un outil quelconque, va découvrir quelque chose, va commencer à vivre une certaine expérience. Là, tous les singes vont vivre la même expérience et en même temps ou presque, dans l'autre île, ils vivent la même expérience. Comment expliquer ça? C'est une belle expérience. C'est Rupert Sheldrake, l'odeur, là, qui est derrière ça, là. C'est Rupert Sheldrake. C'est Rupert Sheldrake, exactement. Oui, qui est l'auteur derrière là, cette théorie-là des champs morphogéniques. Là, puis l'avais déjà abordé avec un invité, là, cette expérience-là du singe. Puis il y avait la théorie aussi du centième singe, que quand il y avait un seuil critique qui était atteint, ben, les autres, dans le fond, bénéficiaient de cette conscience-là. Oui, mais c'est ça. Mais pourquoi? Même Sheldrake a de la misère avec ça. Il s'en vient, il commence à le voir un petit peu, là. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il y a un lien au niveau de la cinquième dimension. Elle est là, la communication se fait là, à partir de là. Puis, au niveau de la cinquième dimension, c'est quoi l'intelligence qui va articuler ça? Est-ce que c'est un égrégore d'énergie ou c'est quoi... C'est purement vibratoire. Autrement dit, c'est une dimension qui est purement vibratoire. C'est la source de la vie. Sans cette dimension-là, la matière ne peut pas exister comme on le voit. Ça ne peut pas évoluer. Tout est enregistré. Pourquoi tout est enregistré? Pour qu'il y ait évolution. C'est de même que ça marche. Alors, dans cette dimension. Les singes, par exemple, ils ont un champ morphique commun. La femme et le chien auquel le chien est attaché vibratoirement à sa maîtresse et la maîtresse aussi, il y a un champ morphique commun. Mais c'est à partir de la cinquième dimension, ça. C'est le même que ça fonctionne. Mais au niveau de la cinquième dimension... Il va falloir explorer ouais. ça. C'est au début, là, on est au début de la recherche. C'est évident. Regardez Sheldrake, il en parle devant des scientifiques, il fait rire de lui, c'est évident. De moins en moins, là, mais quand même. Quand il a sorti son histoire là, du chien, le kit, il fait rire de lui. Ben une valeur, mais il l'a prouvé scientifiquement. Il y a quelqu'un qui me pose la question, tante Adélaïde, à savoir, est-ce que vous, personnellement, vous avez été dans la cinquième dimension? J'ai contact avec la cinquième dimension. J'ai un contact, dans le sens que je suis capable d'observer ce qui se passe. Pareil comme des personnes, par exemple, comme tante Adélaïde, qui va, par exemple, entrer en contact avec son double. C'est encore bien plus farfelu, ça. Voyez-vous ce que je veux dire? Là, créer une entité. C'est ça le problème. C'est les voiles. Ouais. Les formes. Mais en même temps, elle a pu vous répliquer que la cinquième dimension, c'est une autre forme. C'est évident. Mais il y a une différence entre être assujetti à une forme et utiliser une forme. Un être éveillé, il utilise la forme. Il n'est pas assujetti à la forme. C'est la différence. Oui. Entre la matante et moi. Excusez-moi, c'est parce qu'elle utilise le pseudonyme de ma tante, puis à chaque fois, ça me fait souvent rire, là, parce que je l'imagine comme une vieille tante. Là, ouais. Ça fait mon oncle. Ouais, c'est ça. Pas mal. Mais je comprends ce que vous voulez dire. C'est ça, c'est une nuance qui est intéressante à explorer à ce moment-là, la distinction entre quelqu'un qui utilise un programme ou une forme versus quelqu'un qui est dominé par la forme. Exactement. Pour la vibration se véhicule à travers la forme. Pas le choix. Mais il y a une différence entre être assujetti à ce qu'on dit dans le sens de croire et utiliser la forme. Une personne qui utilise la forme, il est très créatif puisque ça change tout le temps, c'est en mouvement. Regardez Bernard. S'il y en a un qui a utilisé la forme, c'est bien lui. Les gens jamment à un moment donné au niveau de, tu sais, s'ils parlent d'entité puis s'ils parlent de choses comme ça, ils vont jammer là. Mais il n'a pas arrêté là, lui-là. C'est un peu comme par exemple, les parents qui parlent à un enfant, puis l'enfant dit, puis il commence à se poser des questions sur le Père Noël, puis là, les parents vont dire, ben oui, mais il descend par la cheminée. Et là, l'enfant, quand il grandit un petit peu, il dit, ouais, mais il est pas mal gros pour descendre dans la cheminée. La cheminée est tout petite, il se rend compte de ça. Que là, les parents inventent une autre affaire, là, et bien, il passe par la fenêtre. Etc., etc., jusqu'au moment où il voit le poteau rose. C'est la même chose au niveau de la vie. C'est la même chose au niveau des notions. Alors? Oui. Il va falloir aller en pause, étant donné qu'il est rendu 21h, là. Oui, OK. Donc, si vous voulez bien, on pourra poursuivre l'entrevue dans 10 minutes. Parfait. Fait que je vous rappelle. Alors, rebonsoir. Oui, une seconde. Oui. Rebonsoir. Donc, on va pouvoir poursuivre. Oui. OK, vous êtes à votre aise? Oui, oui. Excellent. Donc, avant la pause, on parlait de programmation ensemble. Et... Mm-hmm. C'est sûr qu'on a abordé beaucoup la dimension, disons, négative, la programmation qui assujettit l'être humain. Et j'aimerais bien aborder dans la deuxième partie de l'émission hein, qu'on fait ensemble les solutions ou qu'est-ce que vous proposez là, pour se sortir de l'inconscience. OK. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Ben, c'est justement. C'est que avant de commencer ça, je vais expliquer quelque chose. Les notions anciennes, ésotériques, de la même chose finalement, de la même réalité. Mm-hmm. Les notions religieuses, ça provient de la perception de cette même réalité-là. Et ces notions-là empêchent l'homme de s'éveiller. C'est ça le problème. Tant que l'homme magnétise ces formes-là, il ne peut pas s'éveiller, il ne peut pas explorer la réalité qu'il perçoit intuitivement. Alors, quand l'individu commence à s'éveiller à tout ça, commence à regarder ça d'une façon un peu plus scientifique, ça ne veut pas dire qu'il a tout résolu, là. Ça ne veut pas dire qu'il a tout exploré là-dedans. On arrive, on commence. Alors, mais une fois qu'il a un regard plus scientifique, plus ajusté à la réalité, si vous voulez, à ce moment-là, il peut justement commencer à travers le fait qu'il commence à observer ce système-là, son système, si vous voulez, sa vie, comment ça fonctionne. À ce moment-là, il découvre justement les façons qu'il se fait avoir, comment il se fait avoir. Et la première chose à réaliser, c'est à travers le fait qu'il se fait continuellement et à 100%, 110% désinformé. Alors le positif, comme vous l'appelez, commence à partir de là. Quand l'individu, puis ce n'est pas une notion psychologique, là, dans le sens, c'est pas moi qui pense, c'est pas nous qui pensons. C'est pas ça. C'est une réalisation qu'il est continuellement et absolument désinformé. En fait, c'est ça l'éveil. C'est le début, ça. Alors, quand l'ego commence à réaliser ça et ensuite accepter ça, parce que c'est pas facile à accepter, regardez les réactions que vous avez sur votre chat. Alors, quand l'ego commence à accepter ça parce qu'il n'a pas le choix, parce qu'il commence à voir, à constater par lui-même, c'est une affaire individuelle, là. C'est pas une affaire de croyance, c'est pas parce que je le dis, voyez-vous? Alors, chaque individu doit l'explorer, doit vivre cette expérience-là. Alors, dans sa vie de tous les jours. Et à partir de là, il développait de plus en plus ce que j'appelais un sens multidimensionnel. Et à partir de ce moment-là, il va commencer tranquillement à pouvoir se servir du systémique au lieu d'être asservi au systémique. Alors, vous voulez quelque chose de positif? C'est pas mal positif, ça. Oui. Alors, mais tant qu'il n'a pas accepté, réalisé et accepté cette désinformation-là, à ce moment-là, il va continuellement retourner dans la boîte. Et s'y assujettir. Oui, ça revient à dire que l'individu doit être capable de voir la game. Exactement. Il doit être capable de voir la game, mais à un niveau multidimensionnel, à un niveau supérieur. C'est ça le mental. À partir de là, le mental supérieur commence à se développer. Ce que Bernard parlait quand il parlait du mental supérieur, c'est ça. C'est une capacité d'observation supérieure. Multidimensionnel. Il en a parlé pas aussi spécifiquement que je peux en parler maintenant, mais il en a parlé. Oui, ben lui, ce qu'il parlait, c'était... Des fois, il survolait des affaires. Ouais. Parce qu'il ne savait pas, c'est parce qu'il tenait pas à en parler à ce moment-là. Pardon? Ben, lui, ce qu'il faisait, c'était la distinction entre le mental inférieur qui est associé à l'intellect puis le mental supérieur qui se rapportait à l'intelligence. Oui, mais le mental supérieur puis le mental inférieur, c'est associé au fait que le mental inférieur, c'est un mental inconscient du systémique, inconscient de ce qui se passe au niveau de ces dimensions-là. Voyez-vous? Il y a une partie qui voit certaines choses dans la matière, c'est évident. Mais le reste, il est totalement inconscient. C'est ça le mental inférieur. Même si une personne est très intelligente, super intelligente intellectuellement, ça ne veut absolument rien dire. Ben oui, parce que quelqu'un peut être très... C'est ceux-là, très souvent, qui sont le plus assujettis. Ben c'est ça, quelqu'un peut avoir un gros cours, tu sais, par exemple, quelqu'un peut avoir un gros cours universitaire, être un médecin, puis dans le fond, se croire intelligent parce qu'il y a une grande qualification, mais tuer ses deux enfants à coups de couteau par la suite à cause d'une crise émotionnelle, tu sais. C'est ça. Fait que c'est pas bien intelligent, hein? Il y a quelque chose qui marche pas dans tu sais, il y a quelque chose qui marche pas dans ça, là. Alors, ça a pas de rapport. Le gars, il est probablement qu'il y a un intellect très fort, cet individu-là. Ça vous dit que c'est un intellect très fort? Un intellect très fort, c'est un intellect qui a une personne, c'est évident, qui a la capacité de magnétiser la force, plus qu'un autre. Alors, quand il magnétise, quand il est manipulé par une programmation, justement, puis là, il magnétise ça, ça donne des affaires. Alors, ça va de pair avec la capacité de magnétiser des individus. Plus une personne est vibrante, plus elle a une grande capacité de magnétiser. Puis là, si elle est assujettie à ça, à ce moment-là, elle vit des émotions très, très fortes, mais elle n'a pas le contrôle. Là, c'est plus fort qu'elle. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas conscience de ce qui se passe. Alors, elle ne peut pas regarder ses pieds, justement. Voyez-vous, là? Elle est totalement dans l'automatisme. C'est ça de l'inconscient. C'est ça l'astral. Je sais pas, tu parlais de la consommation, je pense, en première partie. J'ai écouté exact. Un petit peu, là. Bon, ben, c'est la même chose. Les gens ils écoutent des publicités, puis... Là, ils magnétisent la forme. Tout est taxé là-dessus, d'ailleurs. Ils vont magnétiser la forme, il leur faut. Fait que s'ils n'ont pas les moyens, ils vont prendre la carte de crédit, etc. Le problème, ce n'est pas la consommation comme telle. Le problème, c'est l'inconscience de ce qui se passe. Quand même qu'on dit aux gens, la surconsommation, papapi, si les gens consomment moins, mais voilà, c'est toutes des attitudes psychologiques, ça. Ça ne changera rien. C'est rien, c'est des peanuts comparés aux automatismes qui sont enregistrés dans cette dimension-là. C'est puissant. Un automatisme, c'est extrêmement puissant tant que l'ego n'est pas en mesure de le voir. Oui, ben c'est pour ça qu'il faut justement éduquer les gens qui sont appelés à être éduqués. Là. C'est sûr que ça ne s'adresse pas à tout le monde, à être capable de faire une lecture de ces réalités-là. Oui, ça s'adresse à tout le monde, justement. C'est ça l'affaire. Parce que Bernard, il disait qu'il fallait avoir l'énergie du supramental. Il n'y a rien qui va changer dans sa planète tant que les gens ne réaliseront pas ces choses-là. Ben de valeur, mais c'est comme ça. Ce n'est pas des bonnes intentions, etc., qui vont changer quoi que ce soit. Vous allez voir, ça s'en vient. Qu'est-ce qui s'en vient? Dans le sens que ça va empirer encore plus. Les automatismes que l'humain vit vont augmenter encore plus. Autrement dit, son animalité, etc., ça va ressortir encore plus. Voyez-vous? Parce qu'on a plus de moyens aujourd'hui. Puis il y a plus de pression aujourd'hui. Il y a plus de stress aujourd'hui, etc. À cause, il y a beaucoup plus de population. Il y a plus de trafic. Il y a plus de tout. Voyez-vous? Alors, ça crée du stress. C'est quoi du stress? C'est des mises en vibration. C'est quoi des mises en vibration? C'est des programmes qui se déclenchent selon certaines situations. Alors, quand les gens n'ont pas de conscience de ce qui se passe, ça donne ce que ça donne. Les gars, les tuent, les individus comme ça qui tuent ses enfants parce que sa femme le laisse, whatever. Ça va augmenter. Ça l'augmente d'ailleurs à cause de ça. Alors, la seule solution unique, il n'y a pas 10, c'est que chaque individu commence à prendre conscience. Ça ne veut pas dire d'essayer de convaincre la population mondiale. C'est pas ça que ça veut dire. Mais s'il y a une masse, le moindrement critique d'individus, puis ça n'en prend pas beaucoup, d'individus qui sont ajustés à cette réalité-là, qui sont éveillés justement, ben à ce moment-là, ça va influencer beaucoup plus que vous pensez. Regardez Bernard, ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait jusqu'à la fin, il était à moitié mort. Il était moribond, puis il donnait encore des conférences. Chapeau. Ouais, ben, il est loin, c'est ça, il s'est consacré, là, je pense que c'était jusqu'à 2 semaines avant qu'il meure, une affaire comme ça, là, en 2003. Comment un individu peut vivre ça, vous pensez? S'il regarde trop les choses personnellement, il va dire « Non, ça ne m'intéresse pas. » Mais il ne regardait pas les choses seulement personnellement. C'est évident qu'il y a un côté personnel. Mais il ne regardait pas les choses de façon personnelle. Il regardait les choses de façon transpersonnelle. Pourquoi? Parce qu'il était en fusion avec le système. Fusion dans le sens conscient du système. C'est ça la fusion. Faut s'imaginer des affaires. Ouais, ben parce que sans ça, il y en a qui vont dire qu'il est en fusion avec son double, son ajusteur de pensée, son esprit, circuits universels. Ouais, là, on se rapproche un peu plus. Là ça a plus de. C'est un peu plus scientifique. Circuit universel, c'est un peu plus scientifique. Voyez-vous? Mais il faut le définir. Exactement, mais c'est toujours délicat d'aborder ces sujets-là parce que ça laisse beaucoup place à impression puis à la mystification conceptuelle, c'est-à-dire qu'il y a des formes qui vont impressionner le monde. Puis... Exactement. Puis là, les gens croient, puis là, ils vivent pas l'expérience. Ils sont dans les vapeurs ésotériques, spirituelles, puis là, ben, ils se font englober par ça. Même si on parle de supramental, voyez-vous? Ouais. Bernard avait une peur bleue, justement, comme Ménard il disait, que les gens fassent une religion avec ça. Il a tout fait. Mais c'est pas facile, hein? Les gens voulaient se faire parler de façon ésotérique. Il leur a dit plusieurs fois, je vais crisser à terre l'ésotérisme. Plusieurs fois qu'il a dit ça en public. Ouais. Ce qu'il parlait en public, puis ce qu'il nous parlait à nous autres, c'est deux choses différentes. Justement, qu'est-ce qu'il vous parlait en particulier? Ben, il parlait pas comme ça. Qu'est-ce qu'il disait à la place? Ouais. De façon beaucoup plus scientifique. Ben, qu'est-ce qu'il employait à ce moment-là comme vocabulaire? Ben, il utilisait, en public, il utilisait un vocabulaire plus ésotérique, fait que c'est difficile pour lui de switcher complètement, là, tu sais. Mais son vocabulaire, quand moi je parlais avec, c'était pas le même vocabulaire du tout. Il pouvait pas s'adresser à moi à partir de notions ésotériques. Voyez-vous? Est-ce qu'il parlait plus de programmation? Oui, mais pas directement comme j'en parle aujourd'hui. Mais ça c'était pas mal la même chose. C'était il parlait du systémique, etc. Alors, il y a complètement... Moi, j'ai une vidéo ici, parce que c'est moi qui ai enregistré les vidéos de Bernard, les vidéos des conférences privées, puis public, etc. Mm-hmm. Et j'en ai une conférence où il détruit l'esprit, mais de A à Z. J'étais bien content de cette conférence. Est-ce que vous l'avez mise en ligne? Non. Non. Je respecte la famille, etc. C'est du matériel comme les cassettes, là. Je respecte. Puis la famille, dans le fond, si la famille a décidé ça, dont Elisabeth et son ex-femme et sa fille, c'est parce que Bernard le voulait. Alors, Moi, il me dit, au début, quand j'ai commencé à faire les vidéos, etc., puis il me donnait confiance, il me dit, il ne faut pas que le public voit ça. Évident. C'est trop fort pour le public en général. Même dans les conférences publiques, ça frisait. Il y a des choses qu'on... C'est too much. Surtout venant d'une personne avec la notoriété de Bernard. Quand on n'a pas trop de notoriété, on peut dire beaucoup plus de choses. Mais en même temps, la tonalité. Si un individu a de la notoriété, il faut qu'il fasse attention. Pardon? Oui, mais en même temps, la notoriété, à ce moment-là, ça devient un piège qui garde l'individu dans une forme parce que là, il cherche à avoir du statut social. C'est que les individus qui écoutent mettent de la croyance, croient ce que la personne dit. Voyez-vous? Et ils déforment. Pourquoi ils déforment? Parce que c'est que de la désinformation. Voyez-vous? C'est ça le danger. Une personne peut parler du réel, mais ça va toujours être désinformé. Voyez-vous? Jusqu'à temps que la personne commence à voir à travers la désinformation, c'est toujours voilé, c'est toujours désinformé. L'ego, il comprend, il se désinforme au fur et à mesure. C'est pour ça que c'est si long et si difficile. Ouais, Il y a un automatisme de désinformation, ça fait partie de la game. Faut pas croire tout ce qui passe par la tête. Voyons. C'est sûr. La première chose, c'est pas vous autres qui pensez. C'est pas nous qui pensons. La pensée vient d'ailleurs. Moi, je le dis autrement, c'est tout de la désinformation. Comment voulez-vous qu'il y ait de l'information là-dedans? Mais des fois, on a des petites brides d'informations, comme par exemple la personne qui va capter à distance qu'une autre personne va la téléphoner. Mm-hmm. Tu sais, il y a des phénomènes comme des synchronicités, de la télépathie, ensuite des prémonitions. Oui, je suis d'accord, la synchronicité, mais comment ça marche cette affaire-là? On a parlé tout à l'heure, là, le synchronisme du chien et de sa maîtresse. Il y a du synchronisme là-dedans. Il y a de la synchronicité là-dedans. À la même heure, il y a une distance assez grande, là, à la minute même, seconde même, le chien part puis s'en va. Aussitôt que la femme a décidé, OK, on s'en va à la maison, le chien part, il s'en va. Puis pas une fois, là, avec différents animaux aussi. Fait que, tu sais, c'est quoi cette affaire-là? Oui, c'est une bonne question. Mais ça part de quelque part, là, faut l'expliquer. C'est pas à causal, cette affaire-là, là. Voyez-vous? La synchronicité, les gens, même les scientifiques, même Jung en parlait, mais tu sais, il voyait, mais il voyait pas, dans le sens que pour lui, c'était le phénomène de la synchronicité, c'était à causal. C'est normal que ce soit à causal parce que ou perçu de façon causale parce que les gens ne sont pas capables de voir la cause. Une cause pour eux autres, c'est dans la matière. C'est pour ça que les scientifiques, les gens très cartésiens, il leur faut une preuve dans la matière. Mais il y a des preuves qui sont moins matérielles. Voyez-vous? Mais il s'agit d'avoir des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Mais est-ce que le point sur lequel je voulais vous amener, c'était de dire qu'il y a des informations comme ça qui se glissent à travers la pensée, dans le sens que c'est pas tout de la merde, la pensée, tu sais? C'est pas que c'est pas tout de la merde, c'est que de la désinformation. Si vous partez de là, à partir de là, vous êtes au moins vigilant. Voyez-vous? C'est ça la prémisse. Mm-hmm. C'est ça l'éveil. Mais tant que vous allez penser qu'il y a peut-être quelque chose de correct dans sa pensée, vous allez vous faire baiser. C'est automatique. Comment voulez-vous? Vous n'avez pas d'expérience. Puis votre expérience, vous allez l'apprendre quand vous allez réaliser de façon absolue que c'est toute la désinformation et que vous allez commencer à accepter ça. Avant ça, faites pas. Si vous vous imaginez quelque chose ou si vous pensez ou s'il y a une pensée que vous pensez que c'est correct, c'est plein de valeur, mais vous allez vous faire avoir, vous allez vivre une initiation. C'est ça, une initiation. Okay. Puis plus vous allez évoluer, entre parenthèses, là, à travers le supramental, puis toutes les notions de ça, bien, plus vous allez vous fier à ce qu'il y a dans votre mental, dans le sens de la pensée, etc., plus vous allez vous faire baiser. Autrement dit, plus vous allez vivre des initiations. C'est pas drôle rendu à ce point-là, là. C'est plus des petites initiations inconscientes, là. Puis à ce moment-là, comment faire la distinction entre une pensée puis une vibration? Ah! C'est ça. Comment faire la distinction entre une pensée puis une vibration? Là, on commence à rentrer dans la mécanique. Voyez-vous? Mm-hmm. On ne peut pas faire de distinction entre la vibration et la pensée tant qu'on n'a pas accepté que la désinformation est totale. Parce que la pensée, c'est créé par la vibration, par une mise en vibration. C'est soufflé par la programmation à travers la vibration. Ça prend de l'énergie. Une mise en vibration, c'est de l'énergie. Mm-hmm. Elle vient d'où, cette énergie-là? Cinquième dimension. Elle vient de l'âme. Le souffle de vie. Si on retournait des notions, là, ancienne de l'âme, c'est exactement ça. Mais vu d'un point de vue voilé. La perception des anciens de l'âme, c'est une perception, il y a une réalité derrière, intuitive, involutive, c'est évident, mais il y a une perception d'une réalité. Fait qu'autrement dit, si je vous suis bien, derrière la pensée, puis en fait, derrière la vibration qui serait derrière la pensée, c'est que ça proviendrait de la cinquième dimension. Ça provient de la cinquième dimension des programmes, exactement. Quand il dit la pensée vient d'ailleurs, la pensée vient de là. Autrement dit, pas directement la pensée, la forme, là, mais c'est soufflé. La programmation permet la mise en vibration. Si vous n'avez pas de programmation, vous ne pouvez pas être en vibration, mise en vibration. OK. Faites-vous qu'il y ait une programmation, quelconque. Regardez les gens qui sont légumes. Ils ne réagissent pas. Il y a une coupure. Ils sont coupés. On dit qu'ils sont coupés de la réalité. En fait, il y a une coupure entre qui empêche la réaction, qui empêche l'enregistrement de l'événement. Oui. Tout est basé là-dessus. La vie est basée là-dessus. C'est extrêmement intéressant quand on le regarde comme ça. Ça, c'est à développer, c'est à explorer, etc. Oui, mais c'est complexe aussi à saisir, là. Ah oui? Ben, posez-moi des questions. OK. Dans le fond, quelqu'un qui est éveillé, si vous pouvez me le décrire, là, dans sa psychologie, mais disons qu'il est dans sa programmation, tiens. À quoi ça ressemblerait la programmation de quelqu'un qui est éveillé? C'est la même programmation, excepté qu'il y en a conscience quand elle se manifeste. Donc, il a son mot à dire. Donc, il est en mesure de ne pas activer la programmation. Autrement dit, le fait qu'il observe, le fait qu'il est en mesure d'observer de façon multidimensionnelle, ça empêche l'activation de la programmation. Si ça lui nuit. Si ça lui nuit pas, ça l'amplifie à cause de son observation. Autrement dit, s'il veut se laisser aller à danser, à faire n'importe quoi, ben là, il va avoir conscience de ce qui se passe, puis il n'interviendra pas. Il va avoir la conscience de ne pas intervenir. C'est bon? Mm-hmm. Dans le sens qu'il va être dans... L'énergie va laisser circuler. Regardez les gens qui ont des problèmes dans la vie, sociaux, etc. C'est qu'ils interviennent tout le temps dans la vibration, dans le mouvement, pour toutes sortes de bonnes raisons pour eux, pour toutes sortes de justifications pour eux. Ils s'empêchent, le gars qui est gêné, qui veut pas, qui a peur de parler à une femme, whatever, il y a toutes sortes de bonnes raisons pour pas le faire. Donc, il suit pas son automatisme. C'est des vieux programmes, ça, là. On parle de... Hein? C'est purement animal, tu sais. Pas purement, mais... Hein? Donc, le besoin relationnel, ouais. c'est fondamental. Alors, c'est normal que le gars, ils veulent parler à une femme, ils veulent relationner avec une femme ou des personnes. Mais s'il écoute tout le temps c'est les bonnes raisons qu'il a de ne pas le faire, bien, il ne le fera jamais. Donc, il interfère. Mais il ne sait pas. C'est ça qui est occulte. Il ne le sait pas. Pourquoi il ne sait pas? Il ne connaît pas ça. Il n'a aucune idée. On y enseigne des choses à l'école ou dans les églises ou par exemple dans des sociétés secrètes, on leur enseigne tout ça d'affaires. Mais ils arrivent chez eux et ils sont pas capables de vivre ça. Pourquoi? Oui, c'est une bonne question parce que souvent ça arrive aux gens, tu sais. C'est sûr que d'une manière occulte, on peut dire que l'individu est assujetti à des forces qu'il garde dans un état de passivité. Mm-hmm. Faut définir ces forces-là. Oui. C'est ça. Fait que les forces, c'est la programmation, c'est les automatismes. Chaque personne a des automatismes particuliers. Il n'y a pas une personne de pareil. Alors, il y en a qui se ressemblent, là, grosso modo, de base, c'est évident, mais ça revient à une chose, ça revient au fait de prendre conscience de ces mécanismes-là. Voyez-vous? De façon multidimensionnelle, on ne parle pas psychologique, là. Oui, bien, faites bien de le préciser, parce que je pensais aux mécanismes de défense là, que parlait Freud, là. Non, oui, ça c'était le début, là, de au niveau scientifique. Là, il appelait ça l'inconscient. Évident. Ouais, c'est ça. L'inconscient, c'est pas ce qu'il pensait, Freud. Jung était beaucoup plus près de la notion de ce que c'est que Freud. Il a exploré beaucoup plus. Regardez ce qu'il a fait, Jung, comme exploration au niveau de la drogue, au niveau de toutes sortes de choses. Il a exploré pas à peu près. Jung, c'est un... Réellement, au niveau de la psychologie, là, au niveau de l'étude du psychisme humain, là, le top à date, là, que j'ai vu, là, c'est Jung. Ouais, très ouvert d'esprit. Oui, c'est sûr que Jung était plus... Il y en a d'autres aussi. Oui, c'est sûr. Il y a William Reich aussi, au niveau de la bioénergie, qui est intéressant. Mm-hmm. Ouais. C'est quoi la bioénergie? La bioénergie... C'est pas grave. Ben, ça revient au concept que... Finalement, quand quelqu'un est en santé, il y a une libre circulation d'énergie dans son corps. Tandis que quand il vit des problèmes de santé, où il y a des. Par exemple, la personne qui a les mains froides ou les extrémités, les pieds froids, c'est parce que quelque part, il y a eu des blocages d'énergie. Exactement. Créé par quoi? Par son mental. Tout le temps. Je pensais que vous alliez dire la programmation. Pardon? Je pensais que vous alliez dire la programmation. Les maladies sont causées par des conflits qui proviennent de programmation, qui vont bloquer l'énergie, qui vont empêcher la circulation d'énergie. Habituellement, les gens vivent des grandes maladies comme le cancer, des choses comme ça, à la suite de chocs qui ont rapport avec leur programmation, justement. Et à ce moment-là, ils vivent des conflits très forts. Puis la seule façon pour l'énergie de circuler, c'est à travers la maladie. La maladie, dans le fond, c'est une réaction, en parenthèse, saine. Il n'y a pas d'autre solution. C'est une réaction. Parce qu'une personne qui est éveillée, si elle vit un conflit, elle va résoudre ou avoir plus de facilité à résoudre le conflit. Elle ne tombera pas malade. Ou si elle tombe malade, elle va tout faire pour régler le conflit. Elle sait d'où ça provient. Il y a des maladies qui sont très, très subtiles. Les maladies chroniques, là, c'est très profond. C'est pas comme un cancer. Et les maladies, les cancers, c'est causé la plupart du temps à la suite de chocs ou la répétition de certains chocs ou certains événements dans la vie d'un individu. Est-ce que de votre point de vue... Ça se guérit. Oui? Pardon? Est-ce que... Ça se guérit, ça. Ouais, ben, en c'est... autant que l'individu voit à travers le conflit. Pardon? Ben, c'est là-dessus que j'allais vous amener. On a peut-être fait de la télépathie. C'est que j'étais curieux de vous entendre à savoir si l'être humain a un pouvoir d'auto-guérison par rapport aux maladies qui l'affligent. C'est évident. Mais ça sort pas, c'est pas de la magie, là. C'est pas l'opération du Saint-Esprit, là. C'est un peu ça, dans un sens, mais c'est le fait que l'individu est en mesure de voir la source de ses conflits. Qu'il soit aidé artificiellement à le faire, ou qu'il le voit par lui-même, si vous voulez, parce qu'il est éveillé. Voyez-vous? Bon? C'est possible de guérir d'un cancer, c'est évident. Mm-hmm. Il s'agit de régler le conflit, c'est tout. N'importe quelle maladie. Si l'individu voit le conflit, ou si quelqu'un l'amène à voir le conflit, Il observe ce qui se passe. Donc, automatiquement, il regarde ses pieds comme quand il danse. Donc, paf, ça arrête. L'automatisme arrête. Parce que c'est causé par des automatismes. OK. Il y a G-Racing comme question dans l'espace de clavardage. Est-ce que vous considérez, en lien avec un commentaire là, de Tante Adélaïde, est-ce que vous considérez, dans le fond, que des maladies de l'enfance pourraient venir de vie antérieure? Ben d'abord, est-ce que vous croyez à l'existence des vies antérieures? Oui. Oui, mais pas dans le sens qu'ils pensent. Tout est enregistré. Toutes les expériences humaines sont enregistrées. La preuve, le génétique, le code génétique. Qu'est-ce que vous pensez que c'est, le code génétique? C'est la mémoire génétique, autrement dit, la mémoire vibratoire qui s'est cristallisée. Tellement elle a été répétée de génération en génération. Donc, la programmation, oui, elle se réincarne. Oui, bien là, vous l'entendez dans le sens biologique. La réincarnation, ce n'est pas l'individu, la personnalité, l'individu qui se réincarne, c'est la mémoire qui se réincarne. Autrement dit, c'est la programmation qui s'incarne. Bon? Oui, vous l'entendez sur le plan biologique, mais sans doute la personne, elle doit avoir en tête là, l'âme. Je le regarde sur le plan systémique. Et biologique, c'est évident. Mais systémique. Tu sais, quand ils disent l'âme, c'est immortel. Ouais. Eh oui. Mais c'est la mémoire. Expérientielle, tout est enregistré. La moindre chose dans la matière est enregistrée. L'ego qui croit que, bon, il va se réincarner, etc. C'est personnel, ça. C'est là le problème. Donc, quand l'ego commence à s'éveiller, il commence à être il commence à être plus transpersonnel. Autrement dit, il s'identifie au système, puisqu'il est le système. Une partie du système. Voyez-vous? Donc, quand il étudie le système, voyez-vous? Donc, autrement dit, de votre point de vue, l'individu qui pense que, par exemple, il y a un problème de phobie par rapport au serpent, parce que dans une autre vie, il aurait été mordu par un serpent, ça, c'est une illusion. C'est pas... il peut avoir une mémoire à ce niveau-là, transmise par les parents, whatever. Mais c'est pas nécessairement dans une... Oui, dans un sens. Il y a une réalité derrière cette affirmation-là, mais c'est pas ce que la personne pense. Donc, autrement dit, la personne qui s'imaginait avoir vécu en Amérique du Sud, dans la jungle, puis s'être faite morte par un serpent géant qu'il y a là-bas, ben... À ce moment-là, il personnalise. OK. Il est à un niveau purement personnel, involutif. Tout ce qui est involutif, c'est personnel. Avez-vous remarqué? Beaucoup de personnel là-dedans. Oui, ouais. Le personnel, là, tu sais. Oui, mais... dans le sens que c'est subjectif. C'est subjectif, exactement. Voyez-vous? Mm-hmm. Donc, penser qu'on a été, qu'on va vivre d'autres vies, comme on est là, dans le sens de notre personnalité, il ne faut pas oublier une chose, c'est que votre personnalité, c'est la résultante de votre programmation. C'est quoi la personnalité? C'est vos habitudes. Les habitudes, ça vient d'où? Programmation. Donc, vous pensez que vous êtes ça? Pas moi, en tout cas. C'est pas moi qui l'ai créé, ma programmation. Consciemment. Mm-hmm. Voyez-vous? Alors, je ne m'identifie plus à ça. Voyez-vous, là? Je m'identifie beaucoup plus à l'autre chose, au système, etc. Voyez-vous? C'est plus impersonnel. C'est évident qu'il y a le personnel aussi. Là. J'ai ma vie personnelle. Je ne m'accroche pas c'est un clou. Là. Voyez-vous? Mm-hmm. Mais que la réalité des autres vies, des vies antérieures, etc., oui, mais ce n'est pas tout à fait comme ça. Ça, c'est personnel. Regardez-les un peu plus de façon impersonnelle, vous allez voir, en fonction d'une autre dimension où tout est enregistré, etc. Après ça, ça se manifeste dans la matière, justement à travers la génétique, etc., qui est finalement, comme je disais tout à l'heure, la cristallisation de la mémoire vibratoire, des habitudes. C'est quoi vos mains? C'est une structure biologique. Oui, mais ça vient d'où, cette affaire-là? Comment ça s'est développé? À travers des habitudes de faire certaines choses. C'est ça qui nous a différenciés des singes. Les habitudes différentes. On n'a pas la même culture que des singes. Hein? Donc, on a d'autres habitudes. Même l'homme a développé des habitudes de pensée, etc. Alors, il y en a des programmes là-dedans. Il y en a des habitudes. Mais toutes inconscientes. Alors, la planète entière est bourrée d'individus totalement inconscients qui sont programmés à l'os. C'est évident que ça va donner ce que ça donne, ce que vous constatez en ce moment. C'est pas de leur faute. Mais en même temps, ils participent à ça en restant inconscients. Inconsciemment. Totalement inconsciemment. Ouais. Que du plus grand dictateur au moins grand, ça n'a pas d'importance. Ils sont tous dans l'inconscient. Total. Voyez-vous, là? Que là, on regarde ça d'une façon un peu moins personnelle. Là. On en voit un peu moins de conspiration. La conspiration, c'est l'inconscience de tout ça. Ça, c'est l'ultime conspiration. Il est là le problème. C'est évident qu'il y en a des gens, des sociétés secrètes, des affaires, des groupes d'individus qui fomentent des chars. Mais, tu sais, c'est pas généralisé, cette affaire-là. Des petits groupes. Oui, exactement. Puis, quand des gens ont des conspirations, parfois, c'est parce qu'ils font la projection de leur propre crainte. Dans, oui, exactement, de leur propre ressenti. Exact. De leur propre perception inconsciente de la plus grande, conspiration qui est la conspiration contre lui-même. L'ego conspire contre lui-même. Inconsciemment, c'est évident. Autrement dit, tant qu'il croit, tant qu'il n'est pas capable d'observer d'une certaine façon, il se désinforme. Voyez-vous? Autrement dit, son pouvoir de vie est utilisé. C'est pas lui qui l'utilise. Il n'est pas maître à bord. Il est maîtrisé par une programmation à travers son ignorance. Bernard, il disait à tour de bras. C'est clair. Moi, je ne parle pas comme Bernard, c'est évident. Attendez-vous pas à ce que je parle comme Bernard. Je ne suis pas Bernard, je ne suis pas Ménard. Ménard, il parle à sa façon. Moi, je parle à ma façon. J'ai ma façon de le parler. Mais on parle de la même chose. Oui, ben c'est ce qui est intéressant, c'est de voir aussi différents angles d'approche par rapport à une même réalité. Exactement. C'est pas tellement de voir les différents angles comme être en mesure de s'associer à ce que la personne veut dire. Voyez-vous ce que je veux dire? Mm-hmm. Moi, avec Bernard, par exemple, je pouvais pas m'associer à ce qu'il disait, mais je pouvais m'associer à ce qu'il voulait dire. Puis Bernard, quand je lui parlais, il s'associait à ce que je voulais dire. Il ne s'associait pas à ce que je disais. C'est évident. Donc, ça revient à s'associer à la vibration qui est derrière la forme. Il s'associait à ce que je voulais dire. C'est là le lien télépathique. Exactement la vibration. Il ne s'occupait pas de la forme, il s'occupait de ce que je voulais dire. Et moi, je m'occupais de ce qu'il voulait dire. Je suis mal occupé de ce qu'il disait, de la foutu le camp très rapidement. Voyez-vous? On était amis à cause de ça. Purement et simplement. Le seul lien qu'on avait, moi, Bernard, est là. C'est extraordinaire d'avoir un lien comme ça. Oui, bien, tout à fait. C'est sûr qu'à ce moment-là, on pourrait peut-être aborder les barrières qui empêchent justement de créer ces liens-là avec les gens. Qu'est-ce qui fait obstacle à cette capacité d'être sur la même longueur d'onde? L'incapacité, justement, à écouter ce que l'autre veut dire. Voyez-vous? Ce qu'il dit, ce qu'il veut dire. Si vous n'êtes pas dans votre propre intelligence, le moindrement, autrement dit, si vous n'êtes pas suffisamment évolué, vous ne pouvez pas vivre ça. Il y a trop de résistance à le vivre. Alors, ça prend du temps, ça prend l'expérience, l'initiation, etc. Puis un jour, l'ego, il commence à réaliser. J'ai des gens, moi, qui ont fait des séminaires avec Bernard, puis pendant 20 ans, 30 ans, ils ont tourné en rond, ils ont souffert, etc. Puis quand j'ai commencé à leur parler, etc., là, les lumières s'allumaient. Là, ils voyaient plus. Là, ils réalisaient. Ils réalisent encore, c'est évident, ils ont du travail à faire encore. Mais au moins, ils savent pourquoi ils ont fait du surplace pendant 20 ans, 30 ans. Oui, ben c'est peut-être parce qu'il n'était pas prêt, là, tout simplement. Là. C'était peut-être pas par rapport à vous ou Bernard, mais c'était plus que quand la personne n'est pas prête. C'est évident qu'il n'était pas prêt, mais il faut savoir les raisons pourquoi ils ne sont pas prêts. Voyez-vous? Quand l'ego a vécu suffisamment d'initiation, ben là, à un moment donné, il est plus mûr. Puis quand s'il rencontre une personne qui est capable d'y expliquer des choses, ben là, il va l'absorber parce qu'il va être capable d'absorber la vibration. Voyez-vous? Mm-hmm. Pas une affaire de croire. Là. C'est une affaire d'absorber, comme j'en parlais tout à l'heure, absorber la vibration, tu sais, de ce que l'autre veut dire. Puis là, ça répond à ce moment-là à sa problématique. Puis c'est pas le premier, j'en connais plusieurs. Tu sais, ça continue, cette affaire-là. Là. Ouais, ben, Bernard, c'est pas la fin. Non, c'est sûr qu'il va y avoir des gens conscients qui vont venir après. Puis... C'est ça. Mais c'est évident que si les gens s'attendent à ce qu'on parle pareil comme Bernard, ça marche pas de même. T'sais, mais non, il parle pas comme Bernard. Moi, je parle pas comme Bernard. Oui, ben c'est bien correct. De parler comme Bernard, là. Mais non, mais moi, j'ai jamais dit aux gens de parler comme Bernard, là, tu sais. Non, non, c'est pas ça que je veux dire. C'est pas ça que je veux dire. Mais dans le sens que chacun a sa perception. Mais si ta perception est ajustée ou suffisamment ajustée à la réalité, je vais la reconnaître. J'aurai pas le choix de la reconnaître. Mais si elle n'est pas ajustée, je la reconnaîtrai pas. J'ai pas le choix de pas la reconnaître. Vois-tu ce que je veux dire? Si je rencontre quelqu'un, moi, il me parle, bon ben, c'est ça une interface, justement. Dans le sens que la personne va me parler, je vais y parler. Et vice-versa. Voyez-vous? Mm-hmm. Là, on peut. Ah, OK. On est ouvert. C'est pas qu'un mot, ça. Être ouvert. L'ego est ouvert seulement quand il a assez souffert, là. Quand il a fait le tour de son jardin, là, puis il n'y a pas rien qui marche. Là, il est mûr. C'est le temps, justement. Donc, autrement dit, si on l'applique sur le plan collectif, c'est quand l'humanité va être sur base d'une grave crise que l'être humain va être, l'humanité va être prête à s'éveiller. Elle va être plus prête à écouter, oui. Ouais. Les êtres, certains vont être plus prêts à écouter, à capter cette réalité-là, cette vibration-là. C'est évident. Mais, tu sais, il va falloir qu'ils aient au bout de leur affaire individuellement. C'est pas seulement collectif, c'est individuel. Ça s'en va, ça va augmenter en intensité les problèmes, etc., etc. Par exemple, la technologie, ça crée d'autres problèmes. Le problème, c'est pas les problèmes, c'est l'incapacité de les régler. Un être ajusté à la réalité le moindrement, il y a des problèmes pareils comme tout le monde, mais il y a de plus en plus de facilité à régler ces problèmes-là. Pourquoi? Parce qu'il est capable de communiquer avec d'autres individus qui sont capables d'aller au-delà de la forme des problèmes, etc. Ben, bon. Ils sont ouverts à écouter. Oui, mais généralement, le problème, c'est qu'il n'y en a pas à tous les coins de rue des individus de même. Exactement. Exactement. Mais il y en a de plus en plus. Surtout les gens qui ont fait le séminaire avec Bernard, moi, j'en vois de plus en plus qui sont rendus au bout du rouleau. T'sais? Puis là, ben, là, ils sont prêts. Mais il faut qu'ils aillent au bout du rouleau. Oui, c'est souvent quand l'être humain a beaucoup souffert qu'il est prêt à s'ouvrir à autre chose. C'est ça, exactement. Tant qu'il reste dans ses notions, tant qu'il reste dans... Tu sais, il ne peut pas s'en sortir, c'est évident. Il ne peut pas le mettre en pratique, c'est ça le problème. Tandis que quand l'individu est en mesure de développer un sens multidimensionnel, il peut le mettre en pratique dans sa vie de tous les jours. C'est là que ça se passe. C'est pas « Ah, j'ai des notions, puis là, on va faire ci. » Non. C'est dans ta vie personnelle, individuelle. Après ça, tu peux créer des choses qui sont impossibles avec d'autres individus qui ont vécu la même chose. C'est ça, une alliance. Mais c'est pas... Une alliance, c'est pas un désir de s'allier. Ça se fait tout seul. On n'a pas le choix. D'avoir des alliances ou de créer des alliances avec certains individus. Et ça, c'est une autre notion importante, le choix. Parce que Bernard, il disait qu'on n'avait pas de libre arbitre. Exactement. Puis de votre côté. Cause, ouais. Pourquoi on n'a pas de libre arbitre? Parce qu'on est programmé à 100%. C'est pour ça qu'il disait que ce n'est pas nous autres qui parlons. La pensée vient d'ailleurs. C'est toute de la désinformation. 100%. 110%. Il n'y a pas de choix là-dedans. Tu es programmé. Tu as un plan de vie et tu le suis. Bêtement. Inconsciemment. Tu es ignorant de tout ça. Tout ce qui se passe réellement. Tu ne connais pas les mécanismes. Tu n'as pas une approche scientifique vis-à-vis de ta vie. Systémique. Alors, tu la subis. Tu n'as pas le choix de la subir. C'est évident. L'humanité dort au gaz, dans ce sens-là. Il faut qu'elle s'éveille. L'individu doit s'éveiller à autre chose. Puis la personne qui s'éveille, elle a-tu le choix? C'est ça l'affaire. Comment? Mais la personne qui s'éveille, est-ce qu'elle a le plus le choix que celle qui est inconsciente? Non, elle n'a pas plus le choix. Mais pour d'autres raisons. On n'a pas le choix parce que le système est fait de même. Voyez-vous? On n'a pas le choix de s'ajuster au système. Oui, ben c'est compliqué à comprendre, là. Comment ça? Ben parce que d'un côté, quand on est inconscient, on n'a pas le choix. Puis quand on devient conscient, on n'a pas le choix non plus. Ouais, mais attention, là. Quand tu es inconscient, tu penses que tu as le choix. Ouais. C'est ça la différence. Tu penses que tu as un libre-arbitre. C'est ça la différence. OK, dans le sens qu'on est dans l'illusion. Pardon? Ça vient à dire que quand on est inconscient, on vit dans l'illusion. Total. OK. Absolu. OK. OK. Quand tu t'éveilles, tu commences à voir la désinformation. Tu commences à voir toute la programmation, toute l'influence, etc. Là, à ce moment-là, tu commences à voir les mécanismes du systémique. Tu n'as pas le choix non plus, là. Tu n'as pas le choix de t'ajuster à la réalité du systémique. Mais tu n'es pas obligé de subir des programmes qui ont été créés et qui rendent ta vie tout croche. Mm-hmm. Autrement dit, des compulsions, whatever. Tu n'es pas obligé de les subir. Tu as la capacité ou tu développes la capacité ou ce que j'appelle le sens multidimensionnel, tu développes cette capacité-là au fur et à mesure de l'expérience et tu es en mesure de ne plus subir ça. Pas parce que tu te forges. Pas parce que, tu sais, ça vaut quoi, ça? Ça, c'est psychologique. Pas parce que tu le vois, mais dans le moment présent, au moment où ça se passe, pas après, pas avant, pas de la philosophie, c'est de l'action. C'est une action observée. Mais il faut développer la capacité d'observer. Il y a des étapes avant le développement ou qui actionnent le développement. La première étape, comme j'ai dit, ça revient à ce que Bernard disait, on est désinformé à 100%, 110%. Si vous réalisez, si vous êtes capable de réaliser ça, et par la suite, l'accepter, il va se passer quelque chose en vous. Mais c'est pas évident d'accepter cette notion-là, parce qu'à un moment donné, si on est juste assujetti à de la désinformation, même ce qu'on dit, à quelque part, c'est de la désinformation, tu sais. Mm-hmm. Fait que ça devient un peu paradoxal, tu sais. C'est ça, c'est paradoxal. C'est pour ça que c'est si difficile à s'en sortir. Mais ce qui se passe, c'est que quand l'ego le voit, le réalise et l'accepte, à partir de là, il se passe quelque chose en lui. La prise de conscience. C'est toute la différence. Il a sauté. Tu sais, quand tu parlais du saut, là, de sauter dans le vide, là, mm-hmm. Il a sauté dans le vide, justement. Puis quand tu sautes dans le vide, pas de parachute, il se passe dans ce domaine-là, en tout cas. Mais l'ego n'a pas le choix de passer par là. Oui, bien, ça revient à dire que l'ego doit sortir de sa zone de confort, sa zone des programmes connus, ses mémoires qui... Les programmes connus, c'est beaucoup, là. Mais, tu sais, il doit sortir de sa zone de confort, mais c'est pas parce qu'il veut sortir de sa zone de confort qu'il va être capable de sortir de sa zone de confort. Ça, c'est psychologique. Il va sortir de sa zone de confort quand il n'aura pas le choix de sortir de sa zone de confort. Parce que pourquoi? Parce qu'il va l'avoir réalisé. Puis, il n'aura pas le choix de l'accepter. Là, il n'est plus dans l'attitude psychologique. Là. Il est face à la réalité. C'est ça qui fait là, toute la différence. Oui, dans le sens que... Oui. Pardon? Oui, dans le sens que si l'individu veut sortir de sa zone de confort, il est dans le désir de l'ego. Exactement, il est dans le psychologique. Mm-hmm. Il n'a pas même le désir de l'ego. Il est dans le psychologique. Faites attention à l'affaire de l'ego. Il y a l'ego, puis il y a l'ego. Il y a l'ego inconscient, totalement, puis il y a l'ego en conscience. Éveillé. Qu'est-ce qu'ils font les gens spirituels, en général? Ils vont se battre avec leur ego. Comment? Il y a beaucoup d'ego, toi. Ils veulent éliminer ça. Ouais. Ça ne s'élimine pas, hein? C'est ceux-là qui veulent plus éliminer l'ego qu'ils n'ont le plus. Ça va remarquer ça? C'est pas l'ego qu'il faut éliminer. C'est l'influence de la programmation inconsciente qu'il faut contrecarrer ou prendre conscience de ça, tout simplement. Il faut éliminer parce que ça ne s'élimine pas, la programmation. Oui, bien... Ils disent qu'ils peuvent éliminer, brûler de la programmation, là. Non. Une habitude, un automatisme, c'est un automatisme, c'est gravé, pareil comme sur un disque. Un disque, c'est les anciens disques, là, c'est gravé. C'est plein de valeur, mais essaye d'enlever la gravure sur un disque, tu vas avoir bien de la misère. C'est la même chose. Une programmation, quand c'est là, c'est à perpète. La seule différence, c'est que l'ego qui est éveillé peut se servir de l'énergie de ça. Parlant la capacité, oui, pour s'en servir. Pardon? Parlant d'ego, Sergio qui a comme question, est-ce que selon vous, l'ego qui est éveillé va traverser la mort? Il va avoir une vie après la mort, donc? Oui, mais pas comme vous le pensez. Pourquoi? Parce que l'ego qui est éveillé, il y a une notion du temps différente. Alors, il peut poser des gestes maintenant qui vont avoir un effet ou qui vont... il peut commencer des choses maintenant qui ne finiront pas avant 200 ans. Bernard avait cette vibration-là ou cette notion-là ou cette capacité-là. Parce qu'il était éveillé. Donc, il immortalise sa conscience. C'est ça, immortaliser sa conscience. Elle est plus personnelle. Elle est moins personnelle. Elle est transpersonnelle. Plus on s'ajuste au systémique, plus le temps devient différent. On ne regarde plus le temps de la même façon. J'en parle dans la prochaine conférence qui sort le 5 février, là, justement. C'est une conférence sur le temps et l'espace. J'en parle de long en large de ça. Très intéressant. Oui, bien, c'est sûr que les gens qui voudront en savoir plus à ce moment-là, ils pourront aller écouter votre conférence. C'est sûr qu'on peut compléter l'émission aussi, là, en annonçant vos différentes activités là, pour les prochaines semaines, les prochains mois. Mm-hmm. Bon, la prochaine conférence, c'est le 5 février. Vous pouvez la visionner sur supramental.tv. C'est un nouveau site que j'ai sorti ça. Et puis, c'est une émission que je fais à tous les mois. Et la prochaine émission, c'est justement sur le temps et l'espace. Justement, j'en parle de la différence de perception du temps. C'est comme Bernard, pour finir ce qu'on a commencé, Bernard, deux semaines avant sa mort, là, puis il continuait pareil, là, mm-hmm. Sa conception du temps, voyez-vous la différence, là? C'est ce que je veux dire? S'il y avait une conception du temps personnelle, purement personnelle, il serait pas capable de faire ça. Voyez-vous? Ben, pour bien comprendre ce que vous dites, c'est qu'il faisait en vertu qu'il y avait une conception du temps sur la portée éventuel historique de l'instruction qu'il transmettait? Ouais, c'est pas tellement historique. C'est dans le sens que ce qu'il faisait, il le faisait en fonction du développement d'une autre conscience. Fait que sa motivation, si vous voulez, elle n'est pas limitée au temps personnel. Voyez-vous? Fait que ça va loin dans le temps, ça. Il en parlait souvent, d'ailleurs, de ça, indirectement. Oui, bien, c'est sûr qu'il parlait de donner une instruction pour les 2500 prochaines années, là. Exactement. Mais c'est pas lui, nécessairement, qui va donner toute l'instruction. Il avait dit, justement, qu'il y en avait d'autres, puis il avait dit aux séminaristes dans le temps, je l'ai écouté d'une cassette, ça, j'ai trouvé ça intéressant, il disait, bien, soyez généreux avec ceux qui vont parler. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Dans le sens que, tu sais, arrêtez de critiquer, écoutez-les, ceux qui ont quelque chose à dire. Mais bon? Oui, puis... Arrêtez de compétitionner avec, là. Mais mm-hmm. ça... T'sais, les gens qui fonctionnent de façon psychologique, qui sont dans l'inconscient, ils vont toujours faire ça. T'sais. C'est normal. On ne peut pas leur en vouloir, c'est normal. C'est des réactions normales, involutives. Là, il y a quelqu'un qui voulait savoir si, dans le fond, Bernard allait se réincarner ou c'était sa dernière incarnation qu'il a vécue. Là, vous le regardez de façon personnelle encore. Allez, bon. La conscience de Bernard, la conscience qui a véhiculé, pas la conscience de Bernard, la conscience qui a véhiculé, la réalité qui a véhiculé, elle est immortelle. C'est évident. Pourquoi? Parce qu'elle est systémique. Elle est plus ajustée au systémique. Le systémique, c'est éternel. Voyez-vous ce que je veux dire? Mm-hmm. C'est là pour longtemps, en tout cas. Donc, plus l'ego il s'ajuste à ça, plus il parle de ça, justement, comme Bernard l'a fait, comme je fais, comme d'autres font, ben, à ce moment-là, notre conscience, ou la conscience de ce qu'on parle, pas de notre conscience, mais la conscience de ce qu'on parle, ce qu'on donne comme information, ce qu'on véhicule comme information, devient immortel, va s'immortaliser. Voyez-vous? Ça va évoluer, c'est évident. Mais ça dépasse notre temps personnel. Voyez-vous? Fait qu'on va pouvoir faire des choses ou on peut faire des choses qui vont avoir une portée dans le temps. C'est ça, une conscience immortelle. Il y en a qui pensaient que Bernard, il le dit d'ailleurs, il dit, si vous me voyez dans l'astral, si vous me voyez, si vous me parlez, c'est un miracle. C'est une illusion. Fait qu'autrement dit... Ça en dit long. Ouais. Oui. Fait qu'autrement dit, là, parce que là, il y a Blanchard qui me dit, est-ce qu'il s'est réincarné en Chine? Mais là, à ce moment-là, ça ne s'applique pas, là, ce genre d'affaires-là. Non. Ça ne marche pas de même. La mémoire est enregistrée, OK? Mm-hmm. Puis ça fait des dégâts. C'est ça que je peux vous dire. Voyez-vous? Pas pour rien que je parle, moi. Pas pour rien que d'autres parlent de qu'on parle de quoi. Voyez-vous ce que je veux dire? Ça continue, cette affaire-là, là. Même s'il y en a qui ne veulent pas accepter parce que c'est pas tout à fait dans la forme, puis c'est pas si, puis c'est ça, c'est des niaiseries, là. On parle pas de ça, on parle de l'essence. Mm-hmm. Ce que Ménard, il voit, puis ce que je vois, au niveau essentiel, c'est la même chose. Au niveau des formes, ça peut changer, ça peut, tu sais. Il y a sa personnalité, il y a sa la patente. Mais au niveau de l'essence, on est en accord. Mm-hmm. Autrement dit, je sais de quoi il parle. Je suis capable d'écouter ce qu'il me dit. Hein? Et vice-versa. Ouais, ça revient à dire que deux personnes qui sont conscientes sont capables de capter la vibration de l'autre sans s'enfarger trop d'informes. Exactement. Même si l'autre n'est pas parfaitement ajusté, whatever. Moi, si une personne me dit quelque chose puis c'est ajusté à la réalité, même si c'est pas parfait, même si c'est croche un peu, on dit c'est ça. Puis là, je peux y expliquer, mais ou aller plus loin, whatever. Mais c'est ça. C'est ça, mais. Hein? T'es en bonne direction, mais. Il y a toujours un mais, anyway. Avec Bernard, il y avait toujours des mais. On aurait dû l'appeler Bernard mais. Il y avait toujours un mais avec Bernard. C'est normal. C'était fatigant, là, les bouts. Mais c'est fatigant si tu le regardes au niveau de la forme. Dans le sens, tu veux figer la forme. Oui, ben c'est sûr que là, on rentre dans le point de vue puis les interférences de la subjectivité sur le contenu puis ces affaires-là. C'est ça. Puis c'est ça qui empêche la diffusion de cette réalité-là. Si les gens étaient capables d'aller un cran plus haut, un cran plus moins personnel, là, mm-hmm. on en ferait des affaires, laisse-moi vous dire. Mais il y a toujours le personnel là-dedans puis tout le kit. Tu sais? L'histoire de tout le groupe à Bernard, c'est que ça, du personnel, puis toutes les initiations qu'ils ont vécues, etc., c'est que ça. T'sais, c'est l'épuration. Bernard, il disait que c'est une chambre initiatique, c'est ça. Pour épurer ce personnel-là, cette façon de regarder de façon personnelle tout le temps, pour avoir de voir le big picture. Le big picture, c'est on a de la misère à survivre autrement. Alors, ça va être encore pire tout à l'heure. Vous n'aurez pas le choix. Oui, fait que autrement dit, tant aussi longtemps que l'être humain n'est pas capable de dépasser le personnel pour atteindre le ce qu'il appelait le pré-personnel, ben on va toujours être dans le pétrin, là. C'est ça. Ouais. Je le dis pas de même, mais c'est ça. Ouais. C'est exactement ça. Mais c'est quoi? Il faut définir c'est quoi le pré-personnel. Je comprends ce que tu veux dire. Puis tu saisis ce que je veux dire aussi. Je le sais que tu saisis ce que je veux dire. Fait que, mais tu as ton langage, tu as ton expérience, etc. Fait que il s'agit de le définir, ça, par exemple. C'est quoi le pré-personnel ou le transpersonnel, whatever. T'sais? Puis vivre l'expérience de ça. C'est pas qu'un mot. Moi, ouais, exactement. C'est là qu'on évolue puis qu'on. Comment je dirais ça? Non? On s'entraide dans un sens. Là, moi, les gens qui viennent me voir en consultation dans mes ateliers, on s'entraide. Voyez-vous ce que je veux dire? Je les aide à sortir de tout ça. Mm-hmm. Par la suite, ils vont m'aider dans d'autres choses. C'est pas nécessairement de maintenant, là. Voyez-vous? Moi, je fais pas ça pour la gloire, là. Ça me permet de rencontrer des gens qui sont en mesure éventuellement de s'éveiller ou qui s'éveillent. Alors, c'est intéressant, quelqu'un qui commence à s'éveiller créativement, c'est extrêmement intéressant. Fait partie de le... C'est ça des relations saines, justement. Des relations avec des personnes avec qui on peut, s'il y a un problème, on peut le régler. Quand ça va bien, rien là. Tu sais, Bernard, il disait, je l'ai mis sur mon site, au niveau de. Les alliances vont se créer seulement quand les gens vont être capables d'aller au-delà des conflits. Ils vont être capables de voir au-delà des conflits qu'il y a entre eux. Oui, c'est tout à fait vrai, là, que ce soit au niveau des relations d'affaires ou de la relation du couple aussi. Exactement. C'est souvent à travers le premier conflit dans un couple qu'on voit si la relation est solide. Bingo. Si la relation n'est pas solide, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un manque de communication entre les deux. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Vous ne pouvez pas parler. Il y en a un qui n'écoute pas ce que l'autre veut dire et l'autre et vice-versa. Voyez-vous? La femme, elle parle à partir de son point de vue de femme, ses formes de femme, puis l'homme, ses formes d'homme. Puis là, ils ont tous les deux raisons, mais là, ils vont divorcer à cause de ça. C'est ça le problème. Ils ont tous les deux raisons, par exemple. Ouais. Mais là, ça ne règle pas le conflit, ça, là. Ça ne règle pas le problème. Fait qu'il faut qu'il en arrive à un couple qui en arrive à se parler, surtout une femme et un homme, à se parler au-delà de la force. Écouter ce que l'autre veut dire. Parler en fonction de pas de l'autre, mais dans le sens de se faire saisir ce qu'on veut dire pour régler la problématique. Là, à ce moment-là, il y a une alliance qui se crée ou qui peut se créer. Il y a une complicité là-dedans. Il y a de l'amour là-dedans. Si les gens, tu sais, ils pensent à l'amour en premier lieu, puis ils sont capables de vivre ça, ben là, quelque chose qui ne marche pas. Là. Voyez-vous? La recette, elle ne marche pas. Oui, bien, c'est sûr que ce moment-là, tu sais, c'est souvent ce que je perçois, c'est que, si on le ramène avec la notion de programmation là, qu'on a parlé aujourd'hui, c'est que souvent ce qui fait, qui pose problème, c'est oui, la communication qui ne passe pas, mais derrière ça, c'est les programmations individuelles de chacun dans leur passé, dans leur inconscient, leur traumatisme. Exactement. Alors, c'est qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas deux individus qui se parlent, là, qui sont en conflit. C'est deux programmations qui se parlent. C'est deux programmations différentes qui sont en conflit ensemble, qui réagissent. Mais les individus sont tellement identifiés à leur ressenti et à toute la patente, puis à leur justification surtout, que pour eux autres, voyez-vous, c'est eux autres. Mm-hmm. C'est ça leur identité. Mais dans le fond, c'est la programmation, c'est les programmes qui ne sont pas compatibles ou qui sont en conflit, tout simplement. Les deux sont assujettis à ces automatismes-là. La femme réagit d'une façon, l'homme réagit d'une autre façon. Regardez, c'est évident. Oui, bien c'est comme tant deux. Pas, ouais. Tant que les deux ne sont pas conscients de ce que... Tant que les deux ne sont pas allumés à ça, bien, c'est plein de valeur, mais tu vas avoir des divorces. Puis tu vas en avoir de plus en plus de divorces. Parce qu'il y a trop de pression haute, trop de mise en vibration de tout ça. Voyez-vous comment ça tout se tient, là? Oui, c'est ça qu'on peut faire les liens à ce moment-là, puis... Tu sais, ça me fait beaucoup penser au film La Matrice, c'est sûr qui m'a inspiré à faire mes émissions. Puis... Exactement pareil. Le gars qui a écrit ça, là, méchante perception. Ça ne veut pas dire qu'il le voyait comme on le voit, là, comme Bernard, whatever, il voyait, mais très intuitif. C'est exactement comme ça que ça marche. C'est quoi ça représente, Néo? Tu penses? Elle représente l'ego qui s'éveille. Puis qu'est-ce qui a fait qu'il s'est éveillé? Il voyait des chars, il voyait comment ça marchait, tel que c'est. Les voiles tombaient. Voyez-vous? Exactement. Là, il rentrait en son pouvoir. Hein? C'est intéressant, hein? Oui, puis ce qui est intéressant dans le film La Matrice, c'est que ça utilise une analogie avec l'informatique pour décrire la réalité comme des systèmes basés sur, là, c'était le 0 puis le 1. Basé sur quoi? La programmation. C'est ça, puis c'était une programmation qui est binaire, avec le 0 puis le 1, la dimension dualiste. Exactement. C'est vibratoire. C'est pas loin de la réalité, je vous jure. C'est beaucoup plus moderne, plus scientifique comme approche, comme conte, comme histoire. C'est intéressant. Tu trouvais ça bien. C'est pas pour rien que tu as trouvé ça intéressant, toi. Ben oui. Parce que ça fait penser beaucoup à la physique quantique, les dernières découvertes, où ce qu'on nous parle que la réalité serait une construction informationnelle. Ça en est une, dans un sens. Le systémique, c'est ça. C'est pas comme ils t'écrivent exactement, mais c'est très similaire. C'est évident. L'homme, il fabrique des chars. D'où il prend ces idées-là, tu penses? L'inconscient collectif? La matrice systémique est faite comme ça. Donc, inconsciemment, il prend ça, intuitivement, vibratoirement, puis il transpose ça. Il y a une idée. Hey, tu sais, là, ils transposent ça dans d'autres choses. C'est comme ça qu'ils découvrent tout ça l'affaire, mais de façon totalement inconsciente. Fait que ça donne une idée, une petite idée de ce que va être la science en fonction de gens éveillés, conscients. J'aime pas tellement le mot conscient parce que c'est trop vague. Mais de personnes éveillées, comme j'en parle. Tu peux t'imaginer un petit peu, là? Ah, c'est ça, c'est super intéressant. C'est ça. C'est ça qui est intéressant dans la vie, mon cher. Il n'y a pas d'autre chose d'intéressant à part ça. Pas à ce niveau-là, en tout cas. Oui. Parce que à ce niveau-là, ça permet la circulation d'énergie. À volonté. Pas assujetti à un plan de vie, là. Des fois, ça marche bien, des fois, ça marche, tu croches. Tu sais, à volonté. C'est ça, les pouvoirs. Tu sais, Bernard, il parlait des pouvoirs, mais c'est ça, les pouvoirs. Mais ça va se définir. On n'a pas encore vécu, on n'a pas encore vécu ces expériences-là avec d'autres individus parce qu'il n'a pas suffisamment ou il n'a pas beaucoup. Mais quand il va en avoir, on va vivre des expériences. C'est une autre étape, ça. On va vivre des expériences très particulières. À cause justement que la capacité des deux individus de faire circuler cette énergie-là créativement. Vous imaginez ce qu'on va créer. Des choses complètement en dehors de la boîte. Totalement. Ça, du jamais vu. C'est ça créer, en fait. Ouais. Regardez ce que Bernard parlait, ce que je parle, ce que d'autres parlent. C'est du jamais vu. Voyez-vous, là? On explore, on va plus loin. C'est de l'inédit. Ça ne veut pas dire qu'on sait tout. Maintenant, il ne savait pas tout. Et quand il voulait savoir quelque chose, il l'explorait pas à peu près. J'ai vu parler pendant 4 heures de temps pour trouver une affaire. Il faisait des conférences, par exemple, en privé. Là. Bon, mais à ce soir, je veux parler de ça, là. Je vais explorer ça. Là. Il ne savait pas. Là. Vibratoirement, il sentait, il savait. Mais il fallait qu'il parle. Il fallait qu'il matérialise. Il avait capté vibratoirement. Puis là, il fallait qu'il parle. Il s'est servi justement des conférences, puis du groupe, puis sa démarche, si tu veux, pour justement explorer ça. C'était son fun, parler. Ouais, ben c'est sûr que pour lui, c'était un prétexte. Ouais. Ben, pas un prétexte. C'était son laboratoire. Il explorait la nature humaine comme ça. Il n'y avait pas des réponses pour, qui venaient d'ailleurs, là, de même. Ça marche pas de même, ça. Mais en même temps, tu sais, il parlait de, je sais pas moi, le paradis central ou, tu sais, des affaires. Ouais, que... mais ça, c'est des notions. Ouais, mais attention. Bernard, là, il était incroyable pour utiliser des formes comme ça pour amener les gens à un certain endroit pour, là, après ça, faire sauter la forme puis leur expliquer d'autres choses. Mais dans les années 98, il ne parlait plus bien du paradis central, laisse-moi te dire. C'était un peu plus direct là, avec la psychologie évolutionnaire. Évolutionnaire, là, c'était un peu plus direct que ça. C'était un peu plus terre à terre. Il parlait plus de ça. Mais en même temps, il a parlé pendant un bout, mais il a vu ce que ça a donné. T'sais? Mais c'est ça, dans les années 80, j'avais écouté des conférences qu'il avait faites avec Richard Glenn. Puis là, il parlait de ces concepts-là. Puis là, le fait que ça faisait, ça donnait l'impression qu'il était en contact avec son double là, qui était au paradis. En tout cas, ça donnait l'impression qu'il avait accès à des notions qu'il n'avait pas appris intellectuellement, puis qu'à quelque part, il était branché. C'est ça, mais, disons, peinturé avec bien des fleurs. Dans le sens de, tu sais, avec beaucoup de fluff-là. C'est ça. Si tu écoutes ce qu'il veut dire, c'est ça. Mm-hmm. Mais là, il s'adressait à qui? Il s'adressait à un public très ésotérique, dont Richard Glenn. Hein? Fait que, ah ouais, donc. C'est ça qui l'a rendu populaire, même. Hein? Ouais. Puis lui-même était, dans ce temps-là, il était très féru d'ésotérisme, tout le kit. Il était en initiation dans ce temps-là, Bernard. Faut pas oublier, là. C'est en 85 qu'il a sorti son... Il a commencé à sortir son initiation. Seulement en 84-85. C'est quoi sortir son initiation? C'est sortir de tout ça, là. Voir à travers tout ça. D'arrêter de se faire manipuler par ça. Parce qu'il se faisait manipuler avant ça. Il l'a dit, il l'a expliqué, ça. Pas en privé, en public. Dans le fond, qui était manipulé par l'influence de Glenn, qui l'amenait toujours sur les sentiers ésotériques. Ouais, mais c'est pas Glenn. C'est ses propres notions. Il y avait un background, Bernard. Il y avait tout le background, si tu veux, de l'Église, de ses croyances anciennes, etc. Il était, je pense, chez les Jésuites, mais les Saintes Croix, je ne sais pas trop quoi. En tout cas, il y avait une culture là, religieuse, etc. Fait que, tu sais, comme il dit, avant 69, c'était bien ordinaire, là. Puis tout d'un coup, pouf, hein, il a allumé, il a commencé à allumer. Pas à peu près, là, tu sais. La cause, choc, ça peut être n'importe quoi. Il y a toujours quelque chose. Hein. Puis là, ben, à partir de 69, là, tout son psychisme a changé complètement. Il était sur le pilote automatique, il le disait tout le temps. Hein? Puis quand il disait qu'il n'y avait plus de mémoire, là, tu sais... Ben, plus de mémoire ou qu'il ne pensait pas, ouais. C'est pas tout à fait ça. Dans le sens que moi non plus, je pense pas. Dans le sens que je sais que ma pensée, c'est parfaitement de la désinformation. À 110%. Donc, je ne me fie pas à ça. Hein. Vois-tu? Donc, je ne pense pas. Dans ce sens-là qu'il disait ça, Bernard. Ça ne veut pas dire que ça ne pensait pas dans sa tête. Oui, mais c'est parce que de ce que je comprenais, c'est qu'il vivait une forme de vide mentale. À un moment donné, je disais à Richard Glenn, c'était comme s'il vivait une espèce d'état d'orgasme. Là, bon, oui. Ouais. Mm-hmm. Moi, je le voyais plus dans un état dépouillé de pensée. Là, Ouais, mais. Non, t'es jamais dépouillé de pensée. Tu peux pas être dépouillé de pensée. Ça pend. C'est pas toi qui pense. Ça pend. Vois-tu, là? Ouais, dans le sens qu'il y a des programmes qui pensent. C'est ça. Mais d'où ça vient, ça? Ça vient de notre programmation. Mais tout ce que l'humanité, même si on retourne les incarnations, on parlait, tout ce que l'humanité a vécu avant, c'était inconscient. Fait que c'est toute la désinformation. Tu vois-tu? Mm-hmm. Il n'y avait pas de conscience. Comme il y en a une aujourd'hui. Ça a évolué, là. On est rendu à une autre étape. Là. On est rendu à l'étape de la révélation, l'apocalypse. C'est quoi ça veut dire? L'apocalypse veut dire la tombée des voiles. C'est ça que ça veut dire. Okay. Check les livres aux voiles. Il y en a plein. Les voiles, ça vient d'où? Ça vient des notions qui sont enregistrées dans cette dimension-là. Vois-tu? Des programmes, puis des habitudes de pensée, etc. C'est très complexe. C'est ça qui voile l'ego. C'est ça qui voile l'humanité. C'est pour ça que l'humanité vit ce qu'elle vit aujourd'hui. Fait que la seule solution à ce qui se passe dans le monde, etc., c'est ça. Il n'y a pas 10. C'est ça. Puis c'est individuel. Chaque individu, il faut qu'il allume à un moment donné. Puis allumer, ça veut dire réaliser que c'est 110% de la désinformation qui passe dans le coco. Tant que tu vas penser qu'il y a 1% de bon, tu vas te faire avoir. Un jour ou l'autre. Oui, ben ça me fait penser à la notion que Bernard parlait, dans le sens que ce soit le plan astral ou le plan mental, puis dans les deux cas, ils peuvent te manipuler, tu sais. Tu peux exactement toujours être manipulé. T'es manipulé. T'es manipulé. Ouais. On est manipulé par notre programmation. Lui, il parlait d'eux autres, puis il parlait des chiens, puis mais c'est la programmation. C'est les habitudes. C'est les automatismes. C'est subtil, les automatismes. Il y en a plein. Il n'y a pas d'évolution sans programmation, sans automatisme, sans qu'il y ait une mémoire. On ne serait pas ce qu'on est physiquement. Sans la cristallisation dans le code génétique de ces expériences-là, on ne serait pas ça. On serait une abîme encore. On ne serait même pas rendu à cet stage-là. C'est de même que ça marche. C'est ça le systémique. Ça évolue comme ça. C'est normal. C'est correct. Mais on n'est pas obligé de le subir à ce point-là. Oui, puis ça fait beaucoup penser au darwinisme, où ce qui est question de la complexification des systèmes de vie biologiques pour la création d'organismes de plus en plus complexes. Là. Mm-hmm. Ça va dans ce sens-là, votre vision, si je comprends bien? Ben, c'est évident. Darwin, c'est un grand homme, Darwin. T'sais? Même s'il n'était pas éveillé, il n'était pas loin. Là, c'est un gars qui était en dehors de la boîte pas mal, là, t'sais? Son temps. Regarde, Jung, tu regardes, comment il s'appelle... c'est un Américain, là. Il a inventé les concepts d'organes, tout ça. Là. Ah oui, William Reich. Je me rappelle plus. C'est exactement. Ouais. T'es-tu en dehors de la boîte, tu penses, lui? Il commence aujourd'hui à... Certains, là, ils commencent à... Ah, OK, ouais. Reich, il n'était pas si con que ça. T'sais? Il touchait au niveau de l'énergie. Il sentait... Il avait une approche scientifique. Il s'est fait avoir par sa personnalité, il n'était pas éveillé. C'est dangereux faire de l'exploration dans ces domaines-là parce que les gens se font englober à un moment donné, puis là, ils déraillent. Ils disent des choses qu'ils ne devraient pas dire. T'sais? Dans le sens de, je ne sais pas moi, je ne sais pas ce qui est arrivé avec Reich, là. Ouais, c'est ça. Il a fait des choses qu'il n'aurait pas dû faire. Il a manqué de discernement. Puis ils l'ont emprisonné à cause de ça. C'est l'excuse. Mm-hmm. Tu sais, quand tu as un gouvernement ou des fonctionnaires veulent se débarrasser de toi, check tes claques. C'est pas long. Ils servent la loi. Ouais, ben c'est ça. C'est que si la personne perturbe trop le système, elle va être mise de côté par le système. Ouais, mais ils détournent la loi. Ils se servent la loi. Vois-tu? Les gouvernements, ceux qui sont les fonctionnaires, en fait, police, whatever, là, ils connaissent la loi. Ils savent comment détourner. Regardez ce qui se passe dans les différents pays, là, plus totalitaires. Bon, mais c'est exactement en moindre, là, ce qui se passe ici. C'est évident. Fait que la loi est manipulée contre un individu. C'est très facile. Très, très, très facile. Il faut se protéger contre ça. Si t'as pas une scène, t'as de la faim, hein? Si t'as pas une scène aujourd'hui, là, si t'as pas un sou, là, t'es dans des beaux draps, t'es à risque. Avec, tu sais, tu peux pas te défendre. On peut t'accuser de n'importe quoi. Ou si tu fais une gaffe. T'sais, tu peux pas te défendre comme un gars qui est riche. Fait que tu vas faire du temps. Non, c'est sûr que la personne qui n'a pas d'argent ne peut pas se payer les avocats. Oui, mais c'est ça la justice. Il y a une injustice là-dedans. Là. Ouais. On a l'assurance maladie, mais on n'a pas ça. On n'a pas l'assurance légale. Pourquoi? C'est une question de pouvoir. Là. Parce qu'il y en a qui utilisent ça. C'est ça le jeu de pouvoir tout le temps. Là. Parce que l'ego là-dedans est involutif, whatever. Il y a du fun avec ça. Non? Il peut se faire avoir anytime. Même si tu as un bon salaire. Tu peux payer un avocat de 50 000 et 100 000, non. Bingo. Fais avoir. Oui, ben ça revient au problème du fait qu'il y a quelques individus puissants sur Terre qui ont accès à l'ensemble des ressources, puis une minorité qui n'en ont pas. Fait qu'il y a toujours. Et qui ça, ces individus-là? La plupart du temps, c'est au gouvernement. C'est pas le gouvernement le problème. C'est certains individus qui utilisent. Voyez-vous? Mm-hmm. Les pouvoirs qu'ils ont. Ça a toujours été ça. Regarde là, ce qui se passe en Libye. T'sais? Ceux qui étaient avec Kadhafi, dans le sens des fonctionnaires, là, ça revient. Les polices, les ci, les ça. Puis là, ça marche plus. Là. T'sais? Parce que, autrement dit, le vieux système revient. Là. Fait qu'il y en a, là, quand tu t'es battu et tes chums sont fait tirer, là, tu commences à être plus sensible à ta liberté, là, puis ce qui se passe. Fait que tu veux pas nécessairement que la vieille garde rentre au pouvoir, là. Ben ouais, c'est ça. En Libye, là. C'est dangereux, là, en Libye, à cause de ça. Parce que c'est toujours de même. Ils se débarrassent d'un gars, puis regarde ce qui se passe en Égypte, la même chose. Ils sont débarrassés de Moubarak, un gros procès. Il est couché dans un lit, là, tout le kit, là, tu sais. Ils vont le pendre, ils parlent de le pendre, tu sais, il n'est même pas jugé encore. Mais l'armée, là, c'est eux autres qui mènent le show. C'est tous eux autres qui ont mis le show. Ceux qui menaient le show sont encore là. Exactement. Les Égyptiens commencent à s'allumer les yeux. Ils commencent à s'ouvrir les yeux. C'est toujours de même. Oui, plus ça change, plus c'est pareil. Exactement. Mais le problème, c'est que les gens s'attaquent souvent aux symptômes. Tu sais, le gros méchant dictateur, puis qu'ils ne voient pas la source qui est derrière ça, c'est-à-dire toute l'infrastructure puis la programmation sociale. S'il y en a, plus il y en a qui vont allumer, là, ils vont arrêter de faire des petites gars de clocher, là, des affaires de merde, là, c'est parce qu'il y en a qui ont la vibration. Tu sais? Mais il faut qu'ils arrêtent de faire le petit gars de clocher. C'est ça qui les retarde dans leur propre évolution. Mm-hmm. Quand ils vont sortir un peu plus, là, vont rentrer dans plus au niveau systémique, bien là, ils vont réaliser que le personnel, là, c'est. Oui, le personnel, tu sais, t'es centré sur toi, c'est évident. Mais d'une autre façon. À cause justement que tu as conscience du systémique en toi. C'est important. C'est pour ça que j'appelle ça, ou j'appelle la méta-cybernétique. C'est l'étude du système par le système. Ici, cybernétique, c'est dans le sens de système? Oui. OK. Uh-huh. C'est un système cybernétique, c'est bien. Bien plus que vous pensez. Cybernétique, ça veut dire robot, là, etc. Mais... si tu regardes ça de près, là, je te jure qu'on est des robots sophistiqués pas à peu près. Mm-hmm. Pas pour rien que l'homme crée des robots, là. Tu sais, puis il a tendance à robotiser les choses, etc. Les automatismes des manufacturières, etc. Pourquoi? D'où il prend ça, tu penses? Vois-tu? Il le capte vibratoirement, inconsciemment, c'est évident, puis il le transporte. Oui, ça vient à dire que... Oui, l'homme est un programme qui fait des programmes. Exactement, dans un sens, oui. Il matérialise. Il est inconscient de ça. Fait qu'il matérialise des choses qu'il ne devrait pas matérialiser. Puis là, il pognait avec après, puis oups, ça influence sa survie sur la planète. C'est ça le problème. Là. C'est hors de contrôle parce qu'il y a inconscience totale. Totale désinformation. Ils ne pensent pas plus loin que, tu sais, 2 minutes, 2 heures, 2 jours. C'est évident que si tu inventes des affaires, tu ne connais pas les conséquences de ce que ça va faire, parce que ta vision du temps est limitée, trop personnelle, bien là, tu ne regardes pas dans 50 ans. Fait que tu crées des affaires, puis ah oui, donc. Puis tu passes des lois pour protéger ça, puis ah oui, donc. Puis 50 ans après, 25 ans après, oups là, les dégâts que ça a fait, combien de personnes ça a tué. Hein? Oui, ben on le voit beaucoup avec l'opportunisme des gens qui veulent juste le profit à court terme sans se soucier des conséquences à long terme. C'est ça. Regardez les scandales au niveau de la cigarette, le kit, là, c'est ça. Ils s'en foutent. Les gouvernements, la masse n'est pas plus consciente que ça, là, des conséquences. On leur cache les conséquences en plus. On rajoute des produits chimiques dans la cigarette en plus. Tu sais, pour les rendre encore plus dépendants, chimiquement, tu sais, automatisés, là. C'est grave. Regardez combien il y avait de produits chimiques dans les cigarettes. C'est coeur, hein? Les produits chimiques qui t'incitaient, qui déclenchaient des programmes dans ton cerveau, ou biologique, si tu veux, des réactions chimiques, qui demandait de la nicotine. Fait que t'es-tu pogné dans ce temps-là, là? Ouais, c'est ça. C'est la dépendance. C'était exprès, là. Ils savaient. Mais tant que les gouvernements n'ont pas passé de loi, OK, on le fait. Facile. Il va falloir compléter l'émission, étant donné que le temps file. Et ça a été un plaisir de discuter avec vous ce soir. Moi aussi. Et je pense que ça a été une belle opportunité avec les gens qui nous ont accompagnés de se familiariser un peu avec votre vocabulaire, la lecture que vous avez aussi de la réalité qui apporte quelque chose de différent là, des autres individus qui sont dans le domaine du supramental. Ouais. Faut qu'il y en ait. Ouais. Fait que, bon, ben je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. C'est mon petit. Bonjour tout le monde. Au revoir. Au revoir. Fait que c'est ce qui va compléter l'entrevue de ce soir en compagnie de Charles Sabourin.